à Sifu pour l'écouter. 89.1. Tanztime. Sabe? Sur Como, la pièce pour pêcher sur C'est fou 89 FM. Tania Baudin qui est là. Devant Mathieu Plante. Oui, ça va bien, Mathieu, ce matin? Toujours tellement bien. Tania, à la radio, tout va toujours bien, voyons. Oui, simplement quelques petits problèmes techniques ce matin. Ça paraît pas, ces affaires-là, si t'en parles pas. Non. Voilà. Non, c'est ça, les ordinateurs. C'est, on va pas se cacher de choses. La technologie, quand ça va bien, mais quand ça va mal, ça va mal. C'est lent. Mais bon, que voulez-vous, tabac, hein, comme ça prend un cartoon de cigarette, hein, comme le disait Arthur Comeau. C'est ça. Faudrait se mettre à fumer pour réussir à être capable de passer au travers de ça. Mais non, c'est pas parce que tu rajoutes de la RAM dans un ordi qui devient plus vite. T'sais, ton processeur est toujours aussi de la grosse. C'est voilà. C'est ça. Donc, on va écouter une autre chanson. Ben oui, hein, on va essayer de... On en prend l'habitude, c'est juste la quoi, troisième fois depuis le début de la saison? Juste ça. C'est pas grave, s'il y en a pas de problème. Donc, on écoute You Can't Blonde, voici Saturday Night. D'après ça, l'émission devrait un jour commencer. Une fois que ça va être commencé, ça n'arrêtera plus. Ça va bien aller. Moi, je le dis, c'est trop vite, par contre. Non, c'est ça. Dis pas ça tout de suite. It's L'assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. On apprendra des choses dans la chronique éducative, c'est un fait. Et Tania nous parlera de comment se réveiller le matin dans Tania's Gonna Entertain Ya. Assemblage Reiki tout de suite. Ah, bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 5 octobre 2015, 204 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Ça va super bien. Allez, lundi, hein? Ben oui, qu'est-ce que je te dis? L'année passée, c'était comme ça presque tous les jours, les défauts d'ordinateur le matin, mais là, c'est rare quand même. Oui, c'était pas arrivé beaucoup. Pas tant que ça. Une autre fois que je me rappelle que j'avais de la misère, mais là, bon, ça arrive, hein? Ça arrive. Les lundis, il faut croire que les ordinateurs veulent autant que nous commencer une semaine de 5 jours. C'est peut-être ça, c'est peut-être juste ça. Ouvrable, oui, oui. Ils savent. C'est peut-être du bénévolat qu'ils font en ce moment les ordinateurs, peut-être qu'ils ne sont pas vraiment payés, fait que, dans le sens que, à un moment donné, on ne peut pas leur en demander plus que ça. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ça que ça veut dire. Lundi 5 octobre, aujourd'hui, l'émission, Tania, on était supposé avoir quelqu'un, une chroniqueuse, en oui. fait. Elle va commencer plus tard, finalement, pas aujourd'hui. Bon. Donc, c'est que toi et moi. Que nous. Et le matériel. Si ça fonctionne. Si tout va bien. Sinon, vous allez avoir une émission musicale, très c'est musicale. avec des très, très longues chansons qu'on se dit, on va avoir le temps. On c'est va parfait. Avoir le temps. 5 minutes, on a le temps à masse de se replacer. Non, mais non, mais non. Donc aujourd'hui, on va faire, c'est un fait, c'est la chronique du lundi qu'on a habituellement. Probablement d'autres choses autour de ça, dépendant du temps qu'on aura, mais on va commencer dès le moment présent par une chronique maison. Ben oui, pourquoi pas? Parce que t'es pas capable d'attendre plus que ça, je sais. Parce que je suis pas capable. Pas capable d'attendre, et je pense que ça en fait un petit lien avec ta thématique de oui. réussir à être capable de faire une chronique dès le début de l'émission. Oh, t'as jamais eu à le faire encore. Moi. Ils ont toujours été pas mal non, à 9h. Ben, non, c'est ça, t'as raison. Ils ont tout le temps été pas mal vers les 8h30, 9h. C'est ça, ils sont rarement de bonne heure. Donc, essayons de voir si on peut faire autrement dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. On a le droit à la version allongée ce matin. Ouais, je me suis dit, lundi, on a le temps, on a le temps. On se met dedans un peu, on commence l'émission correctement. Donc, Tania is gonna entertain, la chronique quotidienne de Tania Baudin, qui nous ben parle oui. toujours de choses qui l'intéressent. Elle est curieuse, elle est ouverte à tout. Il n'y a rien qui la rebrousse. Je vais avouer que la plupart du temps, les sujets de chronique vont m'arriver la veille de l'émission. Tu sais, je vais penser à de quoi est-ce que je veux parler demain matin ouais. dans l'émission. Mais hier soir, j'avais aucune idée de ce que j'allais parler ce matin. Et en fait, l'idée m'est arrivée ce matin lorsque je me suis réveillée. Ah, ben au moins, ta deadline, tu ouais. l'as... Je l'ai fait, je suis arrivée de bonne heure au studio et j'ai travaillé sur ma chronique. Mais je dois pas être la seule parce que Mathieu, est-ce que quand tu te réveilles le matin, t'es extrêmement fatigué? Oui. Ouais. Plus que la veille, oui. Oui, exactement. Ben oui. Donc, en fait, ce matin, je parle pas nécessairement de sommeil, mais je parle de trucs pour plus être fatigué quand tu te réveilles. C'est une bonne idée, ça. Tu sais, oui, nous, on se réveille de bonne heure, on le sait. Il y en a d'autres qui vont se réveiller un petit peu plus tard, mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'ils se réveillent tard, ils ne seront pas fatigués. C'est vrai. Donc, pourquoi pas ne pas donner des trucs à ne plus être réveillé au réveil? Moi, je t'écoute. En ce cas. Ne plus être fatigué au réveil. C'est bon, je suis prête. OK, maintenant que je t'écoute, tu peux commencer. Ouais, c'est ça. Je veux m'assurer que j'ai le focus. Ah oui, écoute. Les deux yeux en l'air. C'est ça. Donc, on a quelques trucs. En fait, au total, je crois que j'en ai 9, peut-être 10. Okay. Donc, on a une bonne chronique. Là. Si jamais vous êtes comme moi, puis quand vous vous réveillez, vous êtes comme... J'aurais dû rester dans mon lit ce matin. Ouais. Eh bien, cette chronique-là est pour vous. Écoutez attentivement. Encore une fois, je t'écoute. Donc, la première astuce, en fait, c'est tout simplement d'ouvrir les rideaux ou d'ouvrir la lumière de la chambre automatiquement. Ouais. Donc, on le sait, on se réveille la plupart, comme nous, exemple, le matin. Je sais pas noir. Pour toi, en fait. Ouais. Moi, je me réveille, il fait encore noir. Mais est-ce que toi, tu te réveilles puis il fait encore noir? Je sais qu'on se lève pas à la même heure. Non, et je ne sais pas parce que j'ai des rideaux très opaques dans ma chambre, fait exprès pour pouvoir bien dormir parce que devant moi, il y a un commerce avec une grosse lumière de nuit qui éclaire jusque dans le mur opposé à ma chambre. Ah, mon Dieu, fait que j'ai mis des rideaux très, très opaques. Mais dans ce cas-là, si tu es du genre à te réveiller et être vraiment très fatigué, eh bien, ouvre les rideaux du moment que tu te lèves parce que la lumière, ça active la sécrétion de cortisol, l'hormone qui régularise les rythmes circadiens et le système d'éveil. Ah. Donc, évidemment, juste avec le système d'éveil, on voit que lumière, ça prend de la lumière. Tu sais, moi, ma chambre est dans un sous-sol. Ah oui, donc, chez tes parents. Oui, chez... Est-ce que vous habitez toujours chez vos parents? Chez mes parents. Je suis revenue chez mes parents. Alors, justement pour ça, je pense que le fait que ma chambre soit déjà en partant très sombre, puis je me réveille, il fait noir. Tu sais, j'ai pas vraiment de lumière qui va arriver par la fenêtre de ma chambre. Donc, simplement d'ouvrir les rideaux, peut-être en partant. Déjà, moi, je le fais déjà. J'ouvre toutes les lumières quand je me lève dans ma chambre. Donc, d'avoir de la luminosité, si jamais c'est pas assez d'ouvrir les rideaux ou, comme moi, vous avez une chambre très sombre, la luminothérapie, c'est une très bonne idée parce que ça fait baisser la mélatonine qui est en fait la... pas la bibitte, là, mais... Ah. qui est l'hormone qui est responsable de somnolence. Donc, évidemment, si votre mélatonine est au plafond, vous allez somnoler de plus en plus. Donc, on ouvre les lumières. Si jamais il y a de quoi, il existe la luminothérapie juste pour ça. On se met la tête dans le four. Non. Non. On fait pas ça, pas encore. On n'est pas rendu à ce point-là. le point numéro 2, en fait, c'est de ne pas se rendormir. Il y en a beaucoup qui vont mettre, exemple, plusieurs alarmes pour s'assurer qu'ils vont se réveiller à un certain moment, puis qu'ils vont se lever, puis qu'ils vont faire « OK ». Mais non, en fait, c'est le pire truc qui existe selon un scientifique parce que tu tentes ton esprit à retourner dans un cycle de sommeil complet. Donc, de se lever au premier son du cadran, c'est le meilleur truc. C'est tellement facile à dire, ça. Je sais, hein, mais moi, je suis beaucoup comme ça. Si je me rendors, je vais être beaucoup plus fatiguée. C'est vrai. Alors ça, on sait, je pense qu'on même si c'est juste 5 minutes. Mais un snooze, c'est, on dirait, la partie la plus amusante de nuit de sommeil. Hein, c'est de snoozer à la fin. La fin de semaine, je peux snoozer pendant 1h30, 2h. Ah, la fin de semaine, je mets même pas de cadran. Ah, mais j'avoue que je devrais ne pas mettre de cadran non plus. Je me lève quand ça, je me c'est un bon conseil, la fin de semaine, de se lever naturellement. Je pense que si on peut le faire 2 à 3, c'est pour ceux qui sont chanceux, jours par semaine, de se lever naturellement, ça doit être particulièrement... Tu sais, nous, on n'a pas cette chance-là, mais on a la chance d'animer vos matins, alors... C'est ça! Mais c'est vraiment important de ne pas se rendormir. Je te mets au défi, demain matin, lève-toi du premier coup. OK. Ben, voir si tu vas être fatigué. Ouais. Tu sais, ces derniers temps, je le fais, je mets un deuxième cadran. Tu sais, je me dis, un petit 5 minutes de plus. Mais... Il t'apportera pas grand-chose, sauf du il t'apporte pas grand-chose, mais il t'apporte assez pour te remettre dans ce cycle-là de... Ouais. OK, non, cadran, il revient tout de suite. Là, t'as l'impression de cligner les yeux et le prochain snooze arrive. C'est vrai. Les 9 minutes passent très, très vite. C'est vrai. Donc, demain matin, on se met au défi. Là. Demain matin, on se lève du premier coup de cadran. Okay? Faudrait, ouais. La troisième, c'est de prendre une cuillère... Et on dort pas ensemble, je sens pas. Non, on dort pas ensemble. Demain, on se réveille. On se réveille en même temps. Au pire, on va se texter. D'accord. Le troisième truc, c'est de prendre une cuillère de gelée royale. Est-ce que tu sais c'est quoi la gelée royale? Non. Bien, en fait, moi, au début, je pensais que c'était comme du miel mélangé à quelque chose. Donc, j'ai cherché qu'est-ce qu'était la gelée royale. Puis, on dirait de la croûte de reine. Ben, ça ressemble vraiment à du miel caramélisé, mettons. Tu sais, comme du miel qui est resté longtemps dans l'armoire. Oui, qui est comme rendu plus cristallisé, sec, ouais, cristallisé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est une gelée d'eau royale, c'est utilisé depuis longtemps de façon traditionnelle pour réduire le stress en partant. Ouais. Ça s'achète dans des magasins diététiques, chez les apiculteurs. Donc, si jamais vous allez dans des magasins qui sont déjà très, très naturels, probablement que vous pouvez trouver de la gelée royale à bas prix. Là, le prix que j'ai, par contre, c'est en euros. Là. Ouais. Mais j'imagine que ça ne doit pas aller ben plus que 10$ pour de la gelée royale. Là. J'en veux soudainement. Ouais, ça avoue que c'est... Tu sais, moi, je trouvais que ça ressemblait à du miel et j'aime beaucoup le miel. Alors, je me dis, pourquoi pas? Et en fait, l'idée, c'est de prendre une cuillère par jour au réveil. Ça augmente le tonus du système nerveux, ça stimule les défenses naturelles et ça accélère l'activité cérébrale. Donc, déjà en partant, tu prends ça. C'est comme prendre de la coke le matin. Ah, là, je sais pas, j'ai jamais fait ça, là, mais de la façon que ça a l'air de dire, c'est comme prendre un bloc de sucre, j'imagine, ouais, okay. Ou comme, tu sais, ça te met tout de suite déçu. C'est comme, go, on se lève, on fait ce qu'on a à faire. Yes. Mais si jamais vous êtes du genre à pas prendre de gelée de Royal, parce que je sais pas, moi, ça vous tente pas, puis vous n'avez pas de goût quand même. Vous n'allez pas dans les magasins naturels, ça ne tente pas d'acheter ça. Eh bien, peut-être, est-ce que vous prenez votre douche le matin? Oui, moi oui. Moi, je prends ma douche le soir en temps normal parce que, tu sais, je suis une fille, j'ai des cheveux, ça ne tente pas de me sécher les cheveux à 5 heures le matin. Moi aussi, insulte-moi. Oui, mais mes cheveux sont pas mal plus longs que les tiens, Mathieu. Ouais, ça. En fait, est-ce que tu prends ta douche très chaude? Habituellement, oui. Très chaude. Si t'es du genre à t'endormir pareil quand t'es réveillé, mais que tu prends une douche, t'as pris une douche, t'es quand même fatigué, c'est de terminer sa douche avec un jet d'eau froide. Ouais. Mais c'est difficile, ça. C'est difficile, mais avoue que si tu le fais, tout de suite en partant, t'es comme revigoré. C'est vrai. T'es comme con. Sinon, un gel de douche là, vivifiant ou rafraîchissant, oui. peut-être. Pour, peut-être. C'est pas peut-être de la menthe, là, mais c'est quelque chose qui fait que t'as comme, c'est comme si t'avais mangé de la gomme. Là, ouais, t'as raison. C'est une bonne alternative. Ouais. En fait, de terminer sa douche avec de l'eau froide, ça réactive la circulation sanguine, puis ça tonifie ton corps. Donc déjà en partant, en début de journée, ton corps est prêt à aller vers une journée beaucoup plus stimulée. Oui, stimulante. C'est voilà. Donc, pas de douche chaude. On termine ça avec de l'eau froide. Je peux plus rien faire. T'es pas ma mère. Je suis désolée. Chance. Le point numéro 5, Mathieu, j'ai l'impression que nous, on le connaît déjà beaucoup, c'est de boire un café. Ah ben... oui. Dis-moi en plus sur ce café. En fait, c'est ce qu'on connaît habituellement. Ça va stimuler le cérébral. Mais ça dit pas plus de 3 tasses par jour. Hey, t'es pas ma mère. Déjà, en partant, je pense qu'on a un petit peu un taux de caféine trop élevé dans notre corps. On est quoi, à 5, 6 cafés par jour? À peu près, mais en plus, on prend des grands. Ah, moi, tout le temps. Salutations aux gens du café de l'autre côté du studio. Ah, ils écoutent pas, ils écoutent un autre poste le matin. C'est vrai, ils écoutent un autre poste. Mais pas plus de 3 tasses par jour. Peut-être, est-ce que ça nous aide pas, en fait, à être réveillé le matin. Tu sais, si on prend plus de café, c'est comme, tu sais, quand ils te disent, oui, si tu manges une barre de chocolat, tu vas être énergisé, mais après ça, tu vas avoir un down. Peut-être est-ce que, vu qu'on prend trop de café, ça renchérit cette fatigue-là quand on se lève le matin. Tu sais, comme on devient un peu dépendant au café. Oui, ben c'est ça. C'est, ouais, j'avais vu un documentaire là-dessus. Il me semble que c'est quelque chose comme, genre, quand tu bois beaucoup de café, ton cerveau, à un moment donné, il a besoin d'avoir ce café-là. C'est ça, exact. Sinon, quand t'en bois pas, t'es comme en sevrage, comme une drogue. Fait qu'il faut que t'en boives encore plus pour que ça fasse effet. On est comme rendu là. C'est ça, je pense que oui, mais... Je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est certain. Là. Non. Écoute, on anime à l'université. Là. Il doit en avoir d'autres comme nous qui boivent pas mal de café par jour. Red Bull, vodka, je sais pas quoi, là. Ah, ça, c'est pas ma tasse de thé. Non. Hey. Le point numéro 6, c'est la respiration alternée. Ah, OK. Narine par narine? Je sens que tu me dis, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et en fait, c'est bien respirer, ça permet de bien se réveiller et de réduire le stress. Donc, en fait, l'étape numéro 1, c'est de fermer la narine droite avec le pouce de la main droite. C'était pas des jokes! Hein? Sur le site que j'ai trouvé, en plus, ils te font vraiment faire les étapes une à l'autre. Fait que vas-y, Mathieu, je te mets au défi. Mais j'ai mis C'est pas grave. Je vais te dicter ce que tu dois faire. Alors, c'est de fermer la narine droite avec le pouce de la main droite. Le pouce? Oui. Inspirer par la narine gauche en comptant mentalement jusqu'à 10, si possible. Ah, mais tu veux pas savoir comment mon nez est bloqué, là. Sinon, tu peux compter jusqu'à 5. C'est dégoûtant. C'est ça. Fait que j'ai de la misère à le faire. OK, ça, c'est l'étape numéro 1. Par la suite, l'étape numéro 2, c'est de boucher la narine gauche avec l'index de la main droite. L'index de la main droite. Donc, évidemment, là, ça dit que les deux narines sont bouchées. Oui. Pour ouvrir la narine droite en retirant le pouce et garder la narine gauche bouchée avec l'index. Là, t'as pas encore respiré dans l'étape numéro 2. Non, c'est ça, je suis pas rendu là. Dans l'étape numéro 3, c'est d'expirer lentement par la narine droite qu'on vient de débloquer en comptant jusqu'à 10 ou à 5, tout dépendant de votre niveau de capacité à respirer. Et c'est d'inspirer par cette même narine droite, puis changer de narine pour l'expiration et de faire ça 3 à 4 fois. Ah ouais. C'est ça la respiration alternée. OK, tu vas nous mettre les instructions sur la page Facebook? C'est sûr, je vais vous mettre le site internet avec toutes les astuces en fait. Cool. Mais avoue que c'est compliqué pour respirer. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr d'être capable de faire ça. Ouais. À moins que t'aies fait un... comment t'appelles ça? Un neti avant? Tu sais, avec la cruche d'eau, là, plou, dans le nez. Ah oui, ouais, peut-être que toi, ce matin, t'aurais eu peut-être besoin de ça. Peut-être que j'aurais eu besoin, oui. Je devrais me lever 5 minutes à l'avance quand mon cadran sonne la première fois pour me faire un ça, pour être capable de respirer de façon alternative. Exactement. Moi, tellement indie, assez fou, de toute façon. C'est de la respiration alternative, on fait juste ça, l'alternative, assez fou. Fait. Ouais, t'sais. Bon. On est full indie. On va dire. On est hipster de la narine. Toi, peut-être. Hipster. Peut-être toi. Peut-être moi. L'alternance au café, parce que c'est pas tout le monde qui aime le café. Alors, j'ai une alternance pour vous. C'est le excusez-moi mon accent asiatique, mais je vais essayer d'y aller du mieux que je peux. C'est le Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba, oui. Ginkgo Biloba. Tu connais ça? Ouais, ben, il y a ça dans des petites fioles, là, tu sais, là. Oui, en fait, c'est une plante jeunesse miraculeuse asiatique. Okay. Donc, c'est originaire d'Asie. C'est un des herbes le plus vieux au monde. Ça a l'air que ça aide beaucoup pour l'Alzheimer. C'est bon pour la mémoire, les infarctus et les acouphènes. Acouphènes, c'est quand t'as du bruit dans ton oreille. Oui, c'est ça. Ça dit que c'est le remède anti-vieillissement par excellence, mais que ça aide beaucoup à se lever le matin, à se réveiller, okay, puis à justement se stimuler à faire une bonne journée. Parce que moi, donne-moi des capsules en vitre le matin en me levant. C'est ça. Tu vas en avoir partout sur le plancher. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire bouillir l'eau, évidemment, et d'y incorporer 10 grammes de feuilles de Ginkgo Biloba. Okay. Oui. C'est de laisser infuser pendant 10 minutes et c'est de prendre une tasse au lever comme si on le ferait avec un café. Okay. Et de ne pas dépasser, encore une fois, 3 tasses par jour. Parce que là, si on fait de la surconsommation, c'est comme n'importe quoi. Hein? Prenez-en bien, t'sais, allons-y de façon... Prenez-en bien, prenez-en mal. L'important, c'est que tout le monde en prenne. Comme on dit, la célèbre phrase dit tout le temps ça. C'est comme le talk show là, avec Guy Lepage, tout le monde en prend. Toujours un train, avec José Lito comme co-animateur. Je me suis comme trompée dans mes expressions. Hein? C'est ouais, bon. Okay. C'est la modération à bien meilleur goût, voilà. Parce que si on fait de la surconsommation de cette plante asiatique-là, c'est des gros maux de tête qui vont arriver et des troubles digestifs quand même assez intenses. Donc, c'est un peu comme le café, en fait. Ben oui, pas besoin de plus de problèmes de digestion. Non, voilà. Alors, c'est une alternance au café, si jamais vous voulez. Aussi, on se souvient, là, il y a les thés verts et les thés noirs qui sont quand même semblables, si jamais vous n'êtes pas du style à aller vers les produits naturels trop. Il y a ce petit côté-là. Puis là, mélangez pas les affaires entre alternative de respiration puis alternative au café. Mettez-vous pas du café dans le nez. Tu sais, les enémas de café, là. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de se mettre du café dans les fesses, là. Non! Il y a des gens, tu sais, les émissions de dépendance, mon étrange dépendance à Canal Vie, genre. Ouais. C'est quelqu'un qui était obsédé par se passer un enéma de café, donc café par un tuyau dans les fesses. Ouais. Pour se nettoyer l'intérieur brut. Non. Ah, oh, j'ai déjà vu ça. Ouais. Elle faisait comme un lavement de poids. Ouais, j'ai vu ça. C'est assez. Mélangez-vous pas, là. Puis, en passant, cette plante-là, elle est disponible sous forme de gélules en pharmacie. Oui, c'est si jamais, ça. Ouais, c'est la petite fiole que je disais tantôt. C'est ça, tu disais la petite fiole. Donc, si jamais vous voulez prendre cette alternative-là, c'est peut-être que tu peux te mettre ça dans un smoothie. T'sais. Peut-être, oui, c'est ça. Dans un smoothie, c'est une très bonne idée. Puis, j'imagine qu'il y a d'autres trucs dedans, pas juste ça, où tu peux souvent avoir un mélange de trucs qui sont bons pour toi. Probablement, en pharmacie, probablement. Ouais. Un autre point, en fait, c'est plus quand on est rendu au niveau du déjeuner. Mais je sais que toi, tu déjeunes pas le matin. Non, encore une fois, problème de digestion. Ouais. Peut-être que ça aide pas ta situation. J'imagine. D'être fatigué. Mmh. Mais un bon déjeuner, automatiquement, selon le site Internet qui dit les bienfaits de la fatigue, ben pas de la fatigue, mais du réveil selon la fatigue, c'est les fruits. D'incorporer beaucoup de fruits dans son déjeuner, donc de privilégier le kiwi, l'orange et la pomme, principalement pour les vitamines C, E et les antioxydants qu'ils comprennent. Donc, si jamais vous êtes du style le matin à juste vous manger une toast au beurre de peanuts et banane, je vous dirais que c'est peut-être pas la meilleure solution, là. Mais si jamais vous avez le temps aussi de prendre un bon déjeuner, de manger des fruits, bien, ceux-là, entre autres, ont beaucoup de vitamine C et de vitamine E. Donc, ça va aider pour le reste de votre journée et aussi à contraindre la fatigue que vous avez déjà en partant. C'est quand même une bonne idée. Oui. Le dernier point que j'ai pour vous, en fait, de ces petites astuces pour contraindre la fatigue au réveil, c'est... Évidemment, de bouger, de faire de l'exercice, on le sait. Marcher, oui. Tout dépendant de l'heure à laquelle on se lève. Là, on s'entend, moi, je me lève à 5 heures. Je ne suis pas certaine que ça me tente d'aller me promener dehors à 5 heures. Comment tu fais pour te lever à 5 heures? Je sais pas. C'est une bonne question. Alors, en fait, l'exercice, évidemment, ça libère des endorphines par l'exercice, ce qui sécrète la bonne humeur dans votre corps tout au long de la journée. Donc, évidemment, si vous êtes de bonne humeur, vous n'allez pas être fatigué. C'est comme un va avec l'autre. Hein? Ouais. Donc, voici quelques trucs, en fait, que vous pourriez faire comme exercice le matin pendant quelques minutes. Là, on parle pas d'un entraînement d'une demi-heure. On parle vraiment, tu sais, un petit 5 à 10 minutes. Simplement, aller promener votre chien. Si votre chien est du style à être très, très matinal, lui aussi. Moi, mon chien, il n'est pas ça partout. Vous aussi aller courir, faire des étirements, tout simplement, ou faire quelques pauses de yoga. Et toutes ces activités-là, ces exercices-là, c'est recommandé de les faire à la lumière du jour. Donc, tu sais, exemple, vous dites, je vais faire des étirements. Votre chambre est dans le sous-sol, il fait noir. Faites pas ça là, vous allez être fatigué pareil. Ouais. Tu sais, allez dans, exemple, dans le salon où il y a beaucoup de luminosité. Mais encore une fois, s'il est 5 heures puis il fait noir, tu sais, là, on approche de l'hiver, de l'automne. S'il fait noir, c'est sûr que c'est moins bon. Donc, peut-être, allez vous promener tout simplement. Sortez votre chien ou votre chat. Ça se promène des chats en laisse, ça a l'air. Ah, je sais pas si je ferais ça. Ben, moi non plus, je sais pas si je ferais ça, mais... Ben, t'as pas de chat, fait que, hein? Ouais. C'est ça. J'ai pas de chat, pis ça me tente pas d'avoir de chat. T'aimes pas les chats. En fait, il me reste un point, mais ça, c'est quasiment, c'est... Je suis pas certaine que c'est une astuce pour ne plus être fatiguée au réveil, mais bon. C'est de penser aux choses positives de la journée. Ben oui, s'il y en a. Mais évidemment, quand tu penses à ce qu'il faut que tu fasses de ta journée, du moment que tu te dis « Ah, faut que j'aille travailler », si t'aimes pas ton travail, ça part mal. Tu sais? Mais une autre astuce aussi, c'est avant de s'endormir le soir, c'est de visualiser le début de sa journée du lendemain. Là, ça dit, il faut s'imaginer le réveil sonnant à l'heure à laquelle il a été programmé, mm-hmm. et non celle à laquelle vous avez reprogrammé sur le snooze. Se lever de bonne humeur et allumer toutes les lumières. Donc ça, c'est ce que suggère la sophrologue Michel Freud. Elle a un beau nom de famille, hein? Ben, c'est ça, Freud. Freud. C'est la spécialiste dans le sommeil et le réveil et la fatigue. Si vous n'avez pas de choses au travail qui sont positives à vos yeux, dites-vous que vous allez écouter Assemblage requis puis que Tania va vous dire des belles choses comme oui, ça voilà, tous les matins. Avec ma voix matinale. C'est ça. C'était mes 10 astuces pour ne plus être fatiguée au réveil. Je pense que je vais sérieusement commencer à en mettre en application autre que boire du café. Exact. Parce que... Ça, c'est déjà fait. Fatiguée le matin. Ouais. Fatiguée le matin. Ouais, mais... J'étais pas une personne très, très matinale, hey. Moi, déjà en partant. Et moi donc? Donc, tu sais, quand on a un poste comme celui-là, que ouais. d'animer votre beau matin... Mais moi, des fois, je plains les gens de... Salut, bonjour. Ouais. Mais tu sais qu'on a animé la semaine du 7, la semaine du 14, la semaine du 21 oui. août. Donc, la semaine passée aurait dû être le début d'un nouveau... Ça prend 3 semaines environ à s'habituer à un horaire. Oh, on s'habitue quand même assez facilement. Je pense que ça va rendu là. Ça va bien rendu là, évidemment. Je bois un café en me levant le matin. Sauf que, tu sais, j'arrive à la station, je suis quand même fatiguée. Ouais. Tu sais, la run en auto de se rendre de chez moi ici, c'est... En tout cas... Moi, ça m'aide de marcher jusqu'ici. Si jamais vous avez, vous, d'autres trucs... pour contraindre justement la fatigue quand vous vous réveillez, ben faites-nous parvenir vos trucs sur Assemblage requis sur la page Facebook. En dessous de l'article, là, quand tu vas le poster en commentaire, ça se fait très bien. Oui, exactement. Si jamais vous avez des trucs que nous, on ne connaît pas, là, on a parlé de yoga, d'exercices de déjeuner, de café. On a parlé aussi de le réveil. Oui. De Ginkgo biloba. De se lever directement quand son réveil sonne. Là, j'en échappe mes crayons et tout, mais en tout cas... En tout cas, puis, mais de très bons conseils. Oui, de très bons conseils. Si jamais vous êtes comme nous et vous avez de la difficulté à vous lever le matin sans être fatigué. On vous comprend, on est là avec vous. Mais t'sais. Oui. Ben oui. J'ai comme le goût d'aller écouter une petite... pas qui endort, parce que ça l'endort pas, j'espère. Mais qui s'écoute bien le matin. C'est la pièce « Is there somewhere » de Halsey. On écoute ça, Assemblage requis. You were dancing in your tube socks in a hotel room. Flashing those eyes like highway signs. Light one up and hand it over. Rest your head up on my shoulder. Just wanna feel your lips against my skin. White sheets, bright lights, crooked teeth in the I clutched your arms like stairway railings, and you clutched my brain and eased my ailing. You're writing lines about me, romantic poetry. Your girl's got red in her cheeks, 'cause we're something she can't see. I try to refrain, but you're stuck in my brain. And all I do is cry and complain, because seconds not the same. En amour à soir. Non, ça ne y tentait pas. Ça ne tentait pas. Ça ne tentait pas. Alors, donc, c'était Halsey, oui, avec Is There Somewhere. Je trouvais ça très bon comme pièce musicale. Oui. Je ne connaissais pas cet artiste-là. Et là, j'ai comme le goût d'aller m'acheter l'album. Ah, il y a des gens qui achètent encore des albums. Oui, moi, j'ai certains artistes que j'aime beaucoup et que je me dis ça vaut la peine. Je vais écouter ça dans mon, auto de façon... répétitive. Oui. Ouais, je te comprends. Moi, je fais la même chose avec les films, les séries télé, surtout oui, les séries télé. C'est ça. Si je suis vraiment fan et que je veux que les prochaines saisons sortent, il faut encourager. Tu sais, moi, je télécharge beaucoup illégalement. Ouais, dire. Je pense que tout le monde le fait, c'est en ça. Fait. C'est ça. Mais des choses qui sont pas sur DVD ou des choses qui m'intéressent à moitié, que je vais probablement pas regarder. Ouais. T'achèteras pas le coffret DVD à 110$, mettons, pour une série que tu regarderas peut-être même pas. Hein? Non, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. Et on va continuer dans le même domaine un peu. Tu nous as parlé de choses pour se réveiller un peu. Oui. Donc, de la bonne musique pour réveiller les morts? Ben oui, exactement. Parce qu'en fait, il y a une des pièces qu'on va vous présenter qui parle de zombies, mais qui a surtout été la trame musicale d'un film qui a été tourné ici au Québec, plus précisément à Mirabel, sur le terrain de l'aéroport et un peu partout aux alentours. C'est le film Warm Bodies. En français, j'ai aucune idée. C'est quoi? Est-ce que tu l'as? Deux secondes. Parce que là, on en parlait pendant la pièce musicale, mais j'ai pas cherché à savoir quel était le titre en français. Zombie malgré lui. Zombie malgré lui, oui. Ça, c'est au Québec seulement. En France, c'est Warm Bodies. Ah oui, c'est ça, Warm pareil. Warm Bodies. En France. Bien sûr. C'était avec l'acteur européen Nicolas Hoult et Teresa Palmer. Je sais pas si vous vous souvenez, Belle et Blonde. Absolument. C'est l'histoire en fait d'un gars qui tombe zombie, tu sais, comme c'est comme une apocalypse. Mm-hmm. Mettons, tout le monde est rendu zombie et il tombe amoureux d'une humaine. Ah c'est ouais. Ça. Hein. Ouais. C'est une comédie là quand même. On doit se le dire là. Une comédie romantique pour jeune fille. On pourrait dire ça comme ça. On va dire ça. C'est basé sur le livre Vivant. Ouais. Ouais, Vivant. Ah, je savais même pas que c'était basé sur un livre. Mais tout est basé sur un livre. Ah. Voyons. Mais c'est ça, gars, tu vois, même dans le synopsis sur Wikipédia, ouais. Ça dit « Les rescapés vivent dans la ville de Montréal qui, étrangement, est référée à New York, selon les plaques d'immatriculation. » Ouais, ben, c'est ça, c'est Montréal qui joue le rôle de New York. Ben, c'est filmé dans l'ancien aéroport de Mirabel, ouais. Avant qu'ils décident de la mettre par terre, parce que là, ça va se faire dans quelques temps. Là, ils vont détruire tout ça. Mm-hmm. Quelle tristesse, ma foi, ouais. Parce que c'était un très bel aéroport. Mm-hmm. Et ça faisait un lieu de tournage assez exceptionnel. Mais on voit très bien dans le film que c'est Mirabel, si jamais vous êtes déjà allé à l'aéroport ou que vous connaissez ça. Puis aussi l'aéroport de Mirabel qui est maintenant tout juste à côté des terrains de la piste Icare. Mm-hmm. Donc à un certain moment, on voit les pistes, ben la, parce qu'il y en a plusieurs là, la piste de karting, on la voit dans le film à un certain moment. Ah toi. Hein? On voit les hangars des voitures. C'est bien raide, hein? Hey, chercher les gars là, sorti là. Non mais je suis au cinéma, je suis comme, hey, je connais ça. Ah! Ça fait quelques temps en fait que c'est sorti ce film là, ça doit faire 2010 je crois. 2013, donc ça fait déjà 2 ans. Ouais. Mais on va aller écouter ça. Le livre est en 2010. Oui. Ah oui. On va aller écouter en fait, c'est la trame sonore a été faite par The Pretty Reckless. Au complet. Je ne sais pas si c'est au complet. Okay. C'est celle-là, celle qu'on va écouter. La pièce « Zombie » par The Pretty Reckless. Je suis en train de regarder sur Wikipédia. Il y a seulement le titre des chansons. Il n'y a pas de titre des artistes sur la trame sonore. Ouais, c'est ça. Hein? Mais bon, on écoute donc la pièce « Zombie » tout de suite à Assemblage requis sur C'est fou. Spoiler dans le clip, hein? Comment que le film finit? Ah ouais, j'ai pas regardé le clip au complet. Ouais. J'ai pas vu venir partout. Oh non, fait que là, t'as vu le spoiler, ouais. Tu sais comment ça va finir? Je pense que tout le monde sait. Je pense que tout le monde a une bonne idée de. C'est un film, moi, zombie, genre. charme une jeune fille vivante. Fait qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe, tu penses? Il s'embrasse. Qu'est-ce qui se passe après? Il tombe en amour. Qu'est-ce qui se passe après? Il devient zombie. C'est ça. Non, le contraire. Ah, lui, il devient... Ah oui, il redevient humain, c'est ça. L'as-tu vu, le film? Oui, oui mais ça, je l'ai vu quand il s'est sorti, là, en 2013. En 2013, dans ton jeune temps. Hein. C'est ça. Warm Body, sur la trame sonore, il y a aussi des Black Keys. Ah ouais? Oui, il y a les Black Keys. Il y a... qu'est-ce que je connais d'autre là-dedans? Guns N' Roses. Ah! Bob Dylan. Bon Iver. M83, The National est là. Mais c'est ça qui est le fun, c'est de la musique super indie sur la trame sonore du film Warm Bodies. Mm-hmm. Un peu comme dans la trame sonore des films Twilight. Oui. Et de tous les films pour adolescentes, il y a tout le temps un petit quelque chose. La trame sonore est tout le temps alternative. Et je trouve ça vraiment bien qu'ils se forcent à donner une raison à d'autres mondes que les jeunes filles de le regarder. Et qui ouvrent les oreilles des jeunes filles à écouter de la musique alternative. C'est vrai, mais la plupart du temps, on va même pas penser à aller justement écouter ces trames sonores-là de films-là. Ouais. Mais c'est bon pendant le film, fait que c'est bon à l'extérieur du film. C'est là que la plupart du temps, on va découvrir de belles pièces musicales, comme tu dis. Et voilà. Et peut-être avoir un titillement pour un certain artiste. T'sais, écoutez, c'est fou, vous allez entendre des chansons que vous avez peut-être entendues dans vos films, dans vos films de filles préférées. Ou et dans même vos émissions. Les émissions Dr. Gray, le son d'anatomie, il y a un paquet de bonnes chansons là-dedans. On en a fait jouer une la semaine dernière. Ben oui, on est lundi. Récemment. Donc c'est très bon. De la bonne musique, il y en a dans tout de nos jours. Ouais. C'est à la place d'être du facile. Ils vont une petite coche plus intelligente que ça. Donc voilà, Warm Bodies et des trucs pour rester éveillé sur la page Facebook d'assemblagerequis.com. Merci Tania. Merci Mathieu Blanc. C'était Tania is gonna entertain ya. On va prendre la pub de ce moment-ci. On ne dira pas la pub de telle heure ou telle heure parce que ça va être une pour l'instant puis il n'y en aura pas d'autre pendant le bout. Donc on écoute une pub et après ça on revient avec du C'est un fait. C'est un fait. On va apprendre des affaires dans C'est un fait. On aime ça toujours. Ben, je sais bien, mais Caroline, tu sais. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à l'Assemblage Reiki, on se lundi 5 octobre 2015, et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. On est lundi. On est lundi, on n'a pas le choix. Pas le choix. C'est comme ça la vie. La fin de semaine, c'est bien beau faire la rumba puis le party people, you know, dans le you cabanon. Know. Ouais. Dans le cabanon, on fait le party people. On fait tout en ça. Tout en ça, t'es tout en train de partir sur la go. Sa GoPro? Jamais. Sa GoPro? Jamais j'oserais faire ça. Non? Filmer ça? Non? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait, ça pourrait. Langue directement dans les toilettes. En train de... C'est ça, dit-elle. C'est ça, dit-elle. Donc, oui, ben, après ça, une fois la fête semaine terminée, la rumba, la go, peu importe, terminée, il faut revenir sur le plancher des vaches. Hein? Oui. Et apprendre, parce qu'on est dans une université. Hein? Donc, le lundi, on arrive, puis on commence à apprendre des affaires, puis on appelle ça « C'est un fait ». Ouh. Mais ça. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. What? C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables qu'on a appris en regardant sur Internet. Hein? Mm-hmm. On va devenir intelligent. Ben, un peu plus, en tout cas. Pas dur à battre dans mon cas. Hein? Donc, commençons par une question qu'on s'est posée, toi et moi, ensemble, la semaine passée, Tania. C'était, est-ce que les girafes font un son? Hey, c'est vrai. Pourquoi on s'est demandé ça, hein? J'ai aucune espèce d'idée. Je me souviens plus. L'anecdote vient de quelque part. Il fallait être là, j'imagine. Il fallait être là. Les girafes passent leur soirée à se faire des petits bruits, des petits hums. Des petits hums. Oui, oui, oui. Donc, on connaît le rugissement du lion, on connaît le jappement du chien. Hein, oui. Bon, on connaît ça. Mais quels sont fait la girafe? Ces bêtes font des sons très, très de base, comme des petits... Des respirations à travers leur nez, etc., etc. Mais donc, rien qu'on pourrait identifier comme étant un bruit de girafe. Mais jusqu'à maintenant, les biologistes... Hein, tu vois, on m'a toujours dit que les mots qui finissaient en « ist », il fallait les traduire par « gueule », comme « psychologist », c'est un psychologue. Ouais. Mais biologiste, c'est pas un biologue. Hein? Fait que, non, t'as raison, c'est biologiste. C'est ça, ben c'est ça. Fait que ceux qui m'ont dit ça... Pas vrai, ça. Sentez-vous visé ce matin. C'est une... comment on appelle ça? L'exception. À la règle. À la règle. Donc, les biologistes ont découvert que les girafes ont un petit hum. Les scientifiques avaient fait quelques spéculations, avaient peut-être pensé ça à travers le temps, que les girafes étaient incapables de produire des sons vraiment qu'on pourrait reconnaître parce que c'était physiquement difficile pour eux de générer assez d'air à travers leur long cou pour produire de la vocalisation. D'autres avaient suggéré que les girafes utilisaient des sons infrasoniques à faible fréquence qui étaient en dessous de ce que les humains peuvent percevoir. Donc un peu comme les éléphants et d'autres gros animaux font pour communiquer à longue distance. Mais le hum, finalement, était un son à faible fréquence d'environ 92 Hz. Ce n'est pas un infrason, mais okay. C'est un son à faible fréquence qu'on peut entendre avec nos oreilles, mais juste à peine. Donc Stoger, un biologiste, hein, et ses collègues disent que le hum va varier dans sa durée et ça va contenir une variété de notes différentes. Est-ce que t'as envie d'entendre un petit peu de hum? Ben, on peut-tu, ouais? Ben, j'aimerais ça, moi aussi. Parce qu'à un moment donné, hein, si on l'entendait pas, ça servirait à quoi? Hein? Je sais vraiment pas. C'est une bonne question. Il va falloir être un petit peu plus patient. Parce que apparemment, ça fonctionne parce que, pas. On va autoriser ça. Oui, autorise. Autorisons-le. La lecture du son. Et pourtant, c'est un SoundCloud. C'est supposé fonctionner très, très, très bien. On va l'avoir. On va essayer de l'écouter. On se donne encore. Ah, tiens. Ah, voilà. Fallait juste réactualiser la page. On l'a. Hey boy. Hein? Hey boy. Pom, pom, pom. On se refait une horreur. Hey, c'est Bowser dans Mario 64, ça. Hey, c'est, hein? On dirait une baleine aussi. Oui, un peu. Mais c'est un peu menaçant, je trouve, quand même, comme son. Je suis pas d'accord. Pas particulièrement plaisant, tout ça, là. Mais bon. Donc, c'était le son d'une girafe qui fait des hum. Ensuite, en 2006, Nukakmaku. Tu connais Nukakmaku? Non. Ben, c'est normal. Donc, c'était une, c'était une tribu précédemment jamais contactée. Okay. Qui n'avait aucun concept de ce qu'était l'argent, la propriété, le gouvernement. Donc, émergé d'une jungle en Colombie, a décidé de joindre le monde moderne. Il se demandait si les avions au-dessus de leur tête suivaient une route invisible. Oh! Avoue que quand même... C'est comme ça qu'ils ont décidé de sortir de la jungle? Non, mais c'est une bonne question si c'est pour ça. Mais eux, quand ils ont joint le monde normal, ils se sont demandé est-ce que les avions suivent une route invisible, un peu comme les voitures. On s'entend que les avions dans les airs, ils peuvent avoir l'air de ça. Moi, en tout cas, ça me surprend pas. Oui, mais en fait, ils sont guidés, non? Ils apprennent à lire le ciel. Ils apprennent à lire le ciel, les avions. Exactement. Ben, pas les avions, mais les pilotes d'avions. Les pilotes d'avions. Là, les avions elles-mêmes font pas grand-chose, en effet. C'est un véhicule. Ouais, non, c'est ça, c'est le véhicule. Un transporteur. Il y a une poupée qui brûle, qui fait des coups de soleil au soleil si elle ne porte pas d'écran solaire. C'est pour enseigner aux enfants l'importance de la protection de leur peau. Donc, Nivea a fabriqué une poupée avec un matériau sensible au rayon UV qui va rapidement devenir rouge lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil. Si la poupée est déjà rouge, appliquer de l'écran solaire va la ramener à sa couleur normale. C'est vraiment cool comme idée, non? C'est hot. Mais par contre, c'est comme dire à un enfant, mets-toi en peau, tu t'en mettras plus tard. C'est ça, puis ça va calmer ta peau. Ouais. Alors que c'est complètement faux. Alors c'est que c'est faux. Ouais. C'est ça, une fois le dommage est mais fait. Mais l'idée est très bonne. Exact, oui. J'aime bien l'idée. Et les parents vont montrer aux enfants correctement comment faire. C'est pas juste à la poupée de faire la job des c'est parents. C'est ça. Hein? Il y a un musée qui s'appelle The Ernest Hemingway Home and Museum qui est un endroit oui. où il y a entre 40 et 50 chats polydactyles. Polydactyles, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. C'est ceux qui ont plus de doigts que la normale. Donc, eux, c'est des chats qui ont 6 orteils par patte. Polydactylie. OK. Il y a des gens qui ont ça aussi, des doigts ou des orteils de plus. Oui. Freaks. Il y en a qui en ont de moins aussi, mais ça, c'est d'autres histoires. Oui, c'est ça. Donc, les chats, normalement, ont cinq doigts à l'avant et 4 à l'arrière. Environ la moitié des chats au musée ont le trait de polydactylie physique, mais ils ont tous le gène de polydactylie dans leur ADN, ce qui veut dire que ceux qui ont 4 et 5 orteils peuvent quand même devenir parents de chats à 6 orteils parce qu'ils ont le gène dans leur ADN. La plupart des chats ont des orteils de plus sur leurs pattes d'en avant et des fois sur leurs pattes d'en arrière. Des fois, ils ont l'air de porter des mitaines parce qu'ils ont l'air d'avoir un pouce sur leurs pattes. OK. Les chats polydactyles. C'est intéressant. Hein? C'est très intéressant. Ensuite, HBO a dit non à la série The Walking Dead parce que c'était trop violent. Ah, oh, ouais. Ils ont aussi refusé Breaking Bad et Mad Men. HBO, mais tu sais, je pense qu'ils sont pas vraiment à plaindre. Tu sais, ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Peut-être. Avant que leur personnage soit tué, les acteurs de The Walking Dead vont recevoir un dernier repas, le Last Supper, comme dans la peinture avec Jésus, tout ça. Oui. Où on leur donne des souvenirs de l'émission. Oh. Sympathique, hein? C'est gentil. Oui. Ensuite, lorsque les fondateurs de Google sont allés au Burning Man Festival en 1998, ils ont incorporé un bonhomme allumette dans leur logo de Google avant de partir pour Burning Man, en hommage à Burning Man. Et c'était le premier Google Doodle. Ah ouais. Lors de Burning Man en 1998. Évidemment, ils faisaient des Google Doodle une fois de temps en temps. C'était pas aussi populaire que présentement. Maintenant, c'est pas mal à chaque jour. C'est ça. Un Google Doodle, mais bon. Que voulez-vous, c'est populaire, hein? Les gens en parlent tout le temps des maudits Google Doodle à chaque jour à la radio. Puis je trouve ben oui, ça la preuve, on en parle là. Ouais, mais on parle pas de celui d'aujourd'hui. Si on n'est pas demain. Non, t'as raison. Un groupe d'amis ont commencé une tradition de mettre des costumes de Star Wars complets, donc les costumes qui les couvrent de la tête aux pieds, et de courir un mile, un mille. Ouais. Donc chronométré à Death Valley lors de la journée la plus chaude de l'année. Ils appellent ça le Darth Valley Challenge. Les températures peuvent monter jusqu'à 129 degrés Fahrenheit ou 54 degrés Celsius. Mais pourquoi? Juste pour le fun, c'est une tradition. Ils devraient le faire pour une fondation, mettons. Ouais, c'est vrai. Un mile, en fait, c'est 1,6 km. Si vous voulez, c'est très drôle, par contre. Oui, très beau, hein? Il y en a une qui est en Princesse Léa. Oui. Il y a des trucs comme ça. Il y a Darth Vader, puis... Il y a Yoda. Il y a Yoda. Yoda, that's true. Il y a une méthode d'enseignement des langues appelée The Silent Way, la méthode silencieuse où le professeur va utiliser un mélange de silence et de gestes pour focusser l'attention de l'étudiant, pour éliciter des réponses de leur part et pour les encourager à corriger leurs propres erreurs sans même dire un seul mot. Hein? The Silent Way. Donc, c'est une méthode créée par Caleb Gattegno, qui utilise donc les silences comme méthode d'enseignement. Méthode qui met l'accent sur l'autonomie de la personne qui apprend, donc de l'apprenti, et donc la participation active de l'étudiant. Le silence est utilisé comme outil pour se rendre à ce but. Le professeur va utiliser un mélange de silence et de gestes. Donc, la prononciation est vue comme quelque chose de fondamental dans cette méthode-là, avec beaucoup de temps passé sur chaque leçon. La méthode silencieuse utilise le Structural Syllabus, et va concentrer l'enseignement sur un petit nombre de mots versatiles et fonctionnels. OK. La traduction et la répétition sont évitées. Et le langage est souvent pratiqué dans un contexte concret. L'évaluation est ensuite observée. Et le professeur ne fera jamais de test formel. Hmm. Il va seulement... on va aller voir une petite... je pense que ça vaudrait la peine parce que je ne suis pas trop sûr de saisir. Un exemple en vidéo. So this has definitely helped to have better grades. Ça m'a beaucoup aidé pour avoir de nouvelles notes, de bonnes notes. Getting by with group activities and ouais, just speaking and just observing. I mean, OK, donc on voit la professeure, je vous l'écris un petit peu, qui pointe des syllabes et fait des gestes comme the par exemple la main un peu en monstre qui va plonger vers le bas. OK. Donc j'imagine que ça veut dire, bon, il faut que tu dises plus grave, plus haut. Finir avec une note différente. Une chance qu'elle parle pas parce qu'elle est plate, la fille. Elle est monotone un peu. Un petit peu monotone. Je pensais qu'on allait avoir un meilleur exemple que ça. Je vais pas voir des gens parler. Bref. Donc, allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com. Au moins, je vous l'ai laissé là. Vous n'allez pas être perdu. Au moins. La Russie, qui a créé une unité policière anti-manifestants, ou en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, de manifestations où les gens sont violents, etc. Donc, ouais. La Russie, qui a créé une unité policière contre ça, composée de jumeaux identiques, parce qu'ils ont une chimie d'équipe et une intuition qui est meilleure que la moyenne, selon eux. Donc, ils ont créé pas une armée, mais une unité policière. Donc, c'est à Rostov-on-Don, une ville environ à 1000 km au sud de Moscou. Donc, tous les membres sont des jumeaux identiques. La théorie est que chacun va être meilleur si l'autre est à son côté. Donc, on nous dit un frère est un frère, mais un jumeau est encore mieux. Hein? Donc, Pavel Sevryukov, qui décrit ses sentiments avec son frère jumeau à ses côtés. « Oui, il est une grande influence sur moi. Tout ça, une grande influence. Oui, c'est mon frère. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il sera toujours là pour moi pour me protéger. Je n'ai aucun doute à son sujet. » Donc, les jumeaux policiers peuvent intervenir lors de manifestations ou de prises d'otages. dans des situations dangereuses ou imprévisibles qui demandent une certaine lucidité, une certaine confiance de la part des autres membres de l'équipe. C'est intéressant. Fascinant même. Mais là, à un moment donné, tu t'en trouves plus, là, des jumeaux? Ah, il y en a à l'infini. C'est une source inépuisable de jumeaux. Peut-être. ouais. Les Catalans. Oui. Oui. Qui, à chaque année, se rassemblent à Barcelone pour construire des châteaux humains. Donc, ça, c'est des tours, des pyramides humaines, un peu comme en gymnastique ou en cheerleading. Le record est de 10 étages d'humains. Un par-dessus l'autre. En fait, ils sont plusieurs à chaque étage. Et là, on peut voir la mère de gens sur assemblagerequis.com qui se rassemble autour et qui regarde les gens faire des tours humaines. Évidemment, des accidents des fois, des gens qui tombent, mais au moins, vu que tout le monde est en bas et les mains sont en extension, comme tu peux voir. Donc, si quelqu'un tombe, on peut les attraper dans la grande, grande, grande foule de gens en dessous. Il faut que ça te tente de les attraper. C'est ça. Est-ce que ça te tenterait de grimper? Non. Est-ce que ça te tenterait d'attraper? Non plus. Voilà. Je regarderai par contre. Oui, ben voilà. Tu sais, je sais pas si t'as déjà ouvert Microsoft Outlook 2010 dans ta job, une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Ça t'arrive, hein? T'as peut-être remarqué la photo, en fait, pas la photo, mais le dessin d'une silhouette de contact. Quand il n'y a pas de photo de contact dans ton Outlook 2010, il y a une silhouette qui apparaît. Et la silhouette générique est en fait une photo de la mugshot de Bill Gates. Pour vrai? Donc, sa photo, lorsqu'il s'est fait arrêter à un moment donné, c'est selon Ars Technica, donc je fais confiance à cette source. C'est vraiment le mugshot de Bill Gates qu'on voit comme placeholder, comme photo. Il était vraiment souriant, hein, sur sa photo de police. Oui, tout à fait. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait commis comme... Mais on nous confirme que c'est vraiment vrai dans l'article de Ars Technica. Preuve scientifiquement irréfutable. C'était quelque chose par rapport à sa conduite. En état d'ébriété, peut-être? Je ne crois pas. Attends un petit peu, je l'ai ici. C'est lorsqu'il a été arrêté à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en 1977. La nature exacte de son arrestation a été perdue à travers le temps. Mais c'était une driving offense, donc quelque chose par rapport à sa conduite. Mais on n'a pas les détails, parce qu'en fait, même l'article n'a pas les détails. Il n'y a pas de détails à donner. Voilà. Voilà. Ça a été perdu à travers le temps. Il y a un philanthrope. Tu vois, ça finit par IS, j'aurais dû dire un philanthropologue. Non, c'est pas vrai. Donc, un philanthrope mystère nommé Benny, qui met des billets de 100$ bien pliés et autographiés dans des articles qu'il trouve au hasard à Salem, en Oregon, depuis plusieurs années. Donc, bien pliés, des billets neufs de 100$ signés Benny dessus. Il met ça dans des douzaines d'œufs, par exemple, dans un jouet pour enfants, dans un magasin à grande surface. Donc, c'est un philanthrope. Le gars remet de l'argent aux gens. Tu sais, philanthrope, c'est une personne riche qui distribue son argent à des bonnes causes. Donc, quelle bonne cause? Ben rendre les gens heureux. Okay. Aider les gens, une bonne cause. Si c'est pas aider les gens dans une douzaine d'eux, tu trouves un billet de 100$, c'est quoi, là? Je suis d'accord. Hey. Bon, c'est gentil. Rabat-joie, là? Non, je suis pas rabat-joie. Je me demande juste pourquoi tu voudrais donner ton argent si t'as de l'argent. T'es donc bien, full, comment t'appelles ça? Gratteuse. C'est parce que je suis pauvre présentement. On se comprend tous. Peut-être que si un jour j'avais de l'argent, je redonnerais. T'sais, j'ai toujours voulu une fondation, mais là c'est différent. C'est non, mais les riches ont de l'argent qu'ils savent plus en quoi en faire. Là. Mais tu dis quand t'as tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis d'accord. Donc en 1942, il y avait un homme nommé le Phantom Barber, le barbier fantôme, qui entrait dans les maisons des gens dans le Mississippi le soir, la nuit, et leur coupait les cheveux. Hein? Tu sais, les gens riches vont donner de l'argent. Lui, il est tellement... Lui, il allait couper les cheveux gratuitement. C'est ça. Son talent, c'est de couper les cheveux. Je sais pas s'il le faisait pour donner une coupe aux cheveux. Parce que je me demande comment je pourrais ne pas me rendre compte. C'est juste un freak, puis il faisait des poupées avec les cheveux après. Ah, yak, peut-être, hein? Des poupées voodoo avec le vrai cheveu. Ah, là, tu me fais peur. Tu me fais peur. Mais tu sais, c'est vraiment épeurant, là, quand même. Il pourrait en faire un film, par contre. Oui. On pourrait appeler ça genre Edward Scissorhands, non. Mélangé avec The Barber, avec Johnny Depp. Oui, là, c'est quoi ce film-là déjà? Oui, Johnny Depp Barber, truc. On t'a dit, attends un peu. C'est pas. Tu sais, ça se passe à Londres, là, évidemment. C'est Sweeney Todd, The Demon Sweeney Barber Todd, of Fleet Street. Voilà. Oui, c'est en 2007. C'est le gars qui tue ses clients, en fait, pour en faire des petits gâteaux. Le diabolique barbier de Fleet Street. Un film musical, en plus. C'est cool, ça, les films. Je me souviens bien. Au Japon, maintenant, on se transporte au Japon, à l'aquarium Shima Marineland. Tout le monde aime Shima Marineland. Marineland. Donc, un poisson rouge a été jeté dans un aquarium pour nourrir de plus gros poissons. Le poisson rouge a réussi à s'échapper dans un petit trou qui l'a mené au truc de filtration de l'aquarium où il a vécu seul dans le noir pendant 7 ans, se nourrissant de déchets, de restants de nourriture qui flottaient jusque-là. Le poisson rouge a survécu pendant 7 ans. Mais comment ils l'ont trouvé? Je sais pas. Comment ils ont su que c'était lui? Ils ont su qu'il était là pendant 7 ans? Que... le gars, poisson s'est peut-être promené. Ils sont sûrement identifiés. Ils doivent savoir quel poisson entre dans l'aquarium, quel poisson le quitte. Mais quand même, imagine si en plus un poisson rouge n'a pas de mémoire. À chaque jour, il fait comme « Ah, comment ça que je suis ici? Ah, de la bouffe, miam! Ah, comment ça que je suis ici? Ah, de la bouffe, miam! Ah, » Oui, parce que les poissons rouges, ça a comme une mémoire de 3 secondes, genre, quelque chose comme ça. Il a même pas le temps de finir sa phrase, tu sais. Ah, où suis-je? Ah, la bouffe. Il n'y a même pas le temps de... trois chasseurs en Oregon. On a beaucoup de nouvelles de l'Oregon. Oui, il se passe pas mal d'affaires là-bas. Je sais pas, hein, j'ai entendu parler qu'il se passait quelque chose de bien gros en Oregon, puis ils parlent juste de ça aux nouvelles. C'est pas cette nouvelle-là qu'on mentionne aux nouvelles. Donc, trois chasseurs en Oregon ont été découverts morts autour de leur site de camp, sans aucune marque ou signe du fait qu'ils se seraient battus avec quelqu'un ou rien. La seule chose inhabituelle, c'est qu'on a découvert un triton mort dans la cafetière. Plus tard, on a découvert que le triton produisait de la tétrodotoxine, un poison qui est 10 000 fois plus puissant que du cyanide. Un triton dans la cafetière, donc les gars ont probablement bu de la tétrodotoxine et ils sont morts de ça parce qu'il n'y a aucun signe qu'ils se sont battus, qu'ils ont été affrontés par un ours ou rien. Donc, ils seraient morts de ça. Est-ce que tu te souviens du film Mathilda? Oui. Quand on était petit? Oui. C'est ça, Mathilda, la petite fille qui pouvait faire des trucs là, de la télé... Patty? Kinésie, oui, télékinésie, exact. Voilà. Oui. Puis dans le début du film, il y a une petite fille qui faisait manger un triton à la directrice d'école et ça m'a traumatisé des tritons. Là je vois ça, puis ça m'écœure. Ouais, c'est un autre matériel à cauchemar, je te dirais. Oui. Ben, c'est surtout que vous voyez pas la photo, par contre, c'est trouvable sur assemblagerequis.com, sauf qu'elle est comme semi-retournée à l'envers, la queue... En tire-bouchon. Ouais. Et comme en exercice. C'est en effet plutôt perturbant comme image, mais c'est sûrement pas le triton au moins de l'histoire, donc c'est un petit peu moins peurant. Quand même. On reste chez les animaux, Tania. Il y a une créature qui s'appelle le binturong. OK. Binturong, qu'on appelle aussi bear cat, donc un chat ours. Et leurs glandes émettent une odeur qui rappelle étrangement celle du popcorn au beurre. Excusez, je trouve ça très drôle. Oui, ils en ont engagé un à Chasse-Galerie, je pense. Binturong qui sent le popcorn. Donc, comme les autres membres de la famille des Viverridés, le binturong a des glandes qui produisent des odeurs. C'est des glandes qui sont situées en dessous de sa queue. En bougeant, le binturong va traîner sa queue par terre, va marquer les branches et le feuillage marquer son territoire, finalement. Pour les humains, l'odeur rappelle celle du popcorn au beurre, mais pour les autres binturongs, ça communique en fait que la place est occupée et qu'ils devraient s'en aller ailleurs. Ah ouais. C'est quand même cute, hein, comme bibitte. Ah, c'est super beau. On va décrire un peu. Ça ressemble, je dirais, à un minuscule ours. Mélangé avec un écureuil. Mélangé avec un écureuil avec des petites pattes trapues, des grosses moustaches de chat, des petits yeux tout petits comme une bille. Deux billes, hein? Deux billes, ouais. Et les oreilles pointues. Ploup! C'est bien écrit, ça? C'est bien décrit. Bon, donc allez voir la photo sur assemblagerequis.com et dites-moi si je l'ai bien écrit sur la page Facebook d'Assemblage Requis. On peut-tu s'acheter ça, tu sais, comme ça vit où, ça? Bonne question, je sais pas. Je me demande, ça doit être protégé, quelque chose du genre, parce qu'il me semble que c'est pas quelque chose qu'on... Ça doit, hein? Ça a pas l'air super répandu. Donc, le binturong... Allons voir ça. Ah tiens, il y a une description encore meilleure dans l'article sur Wired.com. Visage de chat, corps comme un petit ours, une queue de singe. Le binturong, aussi appelé le bear cat, avec de longs corps couverts de poils shaggy, hein, un petit peu gris, avec de longues oreilles. C'est mignon. Qui sortent de leur face ronde. L'article est vraiment très, très, très, très, très, très long. Donc, je sais pas trop, mais ça dit que ça peut durer. Ça peut peser entre 25 et 30 livres. Ah, oh, quand même. Ils sont présentement classés sous le terme « vulnérable », avec des populations qui ont descendu de 30% depuis les 30 dernières années. Les menaces principales pour les binturongs sont la destruction de leur habitat, la chasse et l'échange d'animaux. Donc, wildlife trade. Tu t'échanges mon chien comme ton binturong. Genre. Mais intéressant. Et l'article sur Wired, si vous allez dans la source de du fait sur assemblagerequis.com, il y a tout plein de choses. Par exemple, le fait qu'ils marchent comme des ours et il y a plein d'autres affaires intéressantes. Maintenant, on passe côté alimentation. Oui. Il y a un piment au Japon qui s'appelle le piment shishito. Ouais. Oui. Le matin, hein, ça. Ouais, c'est ça. Du shishito. Donc, 1 sur 10 est épicé. Il n'y a aucune façon de savoir à l'avance lequel va l'être. Ils sont tous visuellement pareils. OK. Mais il y en a 1 sur 10, donc 10%, hein, qui est vraiment très, très piquant. C'est un peu comme les Doritos roulettes. Ah, c'est ça, les Doritos roulettes? Ouais. J'ai jamais goûté. C'est ça. Je voulais les amener dans une émission. Ah, on l'a déjà fait, merci. C'est ça. Une chance, tu l'as dit. Une chance. Donc voilà, c'est le Chichito Pepper. On continue parce que quand même, on n'a rien que ça à faire. En 1994, un homme de 74 ans nommé Alvin Strait, incapable d'avoir un permis de conduire, a conduit pendant 240 miles sur sa tondeuse de 1966 John Deere pour visiter son frère qui avait récemment eu l'attaque, un infarctus. Sa vitesse maximale à sa tondeuse était de 5000 miles à l'heure, oui. Et le voyage a pris 6 semaines. Mais non! Oui. Tu veux savoir combien ça fait en kilomètres des 240 miles? Oui. Ça fait 386 kilomètres. Et tu veux savoir la vitesse de 5000 à l'heure en kilomètres? Combien ça fait aussi? Ça fait 8,046 kilomètres. Hey, c'est pas vite, ça. Hein? Vraiment pas vite, mais en tondeuse, on s'entend que tu t'attends à ça. Mais 6 semaines. Il y avait d'ailleurs le temps de mourir, là. Ouais. Ben d'ailleurs, sa tondeuse, il y avait un petit message sur une pancarte, sur une sur un genre de... comment dire, sur une barouette, là, comment t'appelles ça? Ouais, il dormait peut-être dedans. Là. Peut-être. Ça disait « Original mower and trailer used by Alvin Strait from Lore to Mount Zion, Wisconsin ». Je pense que c'est la tondeuse qui avait été utilisée par lui à l'époque et qui maintenant sert un peu, pas de musée, mais un mini-musée ambulant. La tondeuse à l'origine de monsieur. Mais si tu regardes sur la photo grise, là, parce qu'il y a deux photos. Oui. Il y a la photo où que ça a l'air d'avoir été pris en 94. Oui. Et il y a une autre photo où que c'est celle qui est exposée présentement. Voilà. On dirait pas la même tondeuse, là, comme non, zéro. Non, on dirait pas la même tondeuse. Donc, c'est ça, l'événement de pour se rendre chez son frère, c'était en 94, donc semi-récemment. Et la photo en noir et blanc, je sais pas, j'imagine que c'est juste un look qu'ils ont voulu donner à la photo, mais... Peut-être. Ouais. En tout cas, c'est supposé être la même tondeuse. Moi, je la regarde de devant, là, et en effet, ça a pas l'air d'être la même tondeuse. C'est ça, c'est pas la même tondeuse. En effet. Le radis, que... c'est comme non. Je sais pas s'ils ont changé le devant ou quoi, là. En tout cas. Ils l'ont peut-être modifié un petit peu. Ouais. L'homme qui fait les cascades de Dwayne The Rock Johnson, tu connais Dwayne The Rock Johnson? Oui, The Rock. Ben, c'est communément appelé. Comme on appelle. C'est ça. Dans quel film tu l'as vu, toi, Dwayne The Rock Johnson? Oh mon Dieu, dans plusieurs films. Dans Rapide et Dangereux. Rapide et Dangereux. Dans La Fée des Dents. Okay, oui, en effet. The Scorpion King. Oui. G.I. Joe. G.I. Joe. San Andreas en 2015, cette année. Oui. Il a joué dans plein de choses. Il va jouer dans le... C'est-tu un remake? Je pense que oui. Le remake de Shazam en 2019. Ah ouais? Shazam. Un garçon qui reçoit la capacité de devenir un super-héros adulte lorsqu'il en a besoin avec un seul mot magique. C'est un remake. Ils font un remake de Shazam. Eh bien, en tout cas, bref, peu importe. Bon. J'apprends des choses en même temps que je fais ben des oui, films. Oui, c'est ça. Donc, l'homme qui fait les cascades de Dwayne The Rock Johnson, Tenoa Reid, est aussi son cousin. Ils ont fait plus d'une douzaine de films ensemble. Ils ont le même type corporel, les gros bras, là, genre à la douchebag. Genre les bodybuilders. Donc, ils travaillent ensemble pour que chaque scène soit exactement parfaite. Ils se ressemblent beaucoup, pas du visage nécessairement, mais le reste de leur corps. Je trouve que Dwayne The Rock Johnson a un petit peu plus de... Trapèze. De trapèze que l'autre, mais quand même. Tu y mets un petit peu de maquillage en latex de trapèze. Pis, tu leur mets une paire de lunettes, puis ils se ressemblent vraiment beaucoup. J'avoue, mais leur langue n'est pas la même forme, t'sais. Il fallait pas qu'ils fassent de grimaces. T'as raison. Mais ils ont même tatou. Même tatou? Parce qu'évidemment, si c'est tout le temps toi qui le double... C'est ça. Ou peut-être que c'est des tatous temporaires que le cascadeur fait pour ce film-là. Pour être, peut-être. On sait pas. Plein de détails qu'on sait pas de même. On sait pas. Donc, c'est ça. Il est tatou garni, comme on dit. Les gens peuvent se sentir... Ah, tiens, on a parlé de sommeil, de fatigue dans la chronique Tania is gonna entertain you plus tôt aujourd'hui. Les gens peuvent se sentir plus fatigués après avoir fait une sieste à cause de l'inertie du sommeil. Si quelqu'un se réveille après être entré dans un cycle de sommeil profond, mais avant qu'un cycle complet de sommeil soit complété, des parties du cerveau peuvent rester endormies pendant jusqu'à une demi-heure après, ce qui cause un épuisement. T'as l'impression d'avoir bu de l'alcool, t'es presque hangover, t'as presque marteau à main levée. T'as-tu déjà eu ce sentiment-là du hangover-like feeling? Ouais, un peu, hein. Mais même si t'as pas bu, juste parce que t'es fatigué? Ouais, ça arrive. C'est déstabilisant un peu. Oui. Tu comprends pas trop pourquoi, mais c'est pour ça. C'est parce que tu pas sais que c'est ça. Tu sais que c'est parce que t'es fatigué. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup plus de détails sur assemblagerequis.com de ça. Très long article là-dessus. Avec des études de la NASA. Oh, ça doit être intéressant. Ben, c'est ça. J'ai envie de continuer parce qu'à un moment donné, on n'est pas pour aller prendre une pause à 9h moins 10. Hein. Ça n'aurait pas vraiment de sens. On va attendre sur 9h. T'sais. Donc, continuons avec d'autres faits. Les étudiants, est-ce que c'est Estonie? D'après moi, oui, c'est l'Estonie, non? Le pays Estonie. Donc, les étudiants là-bas ont construit un énorme mégaphone, en fait, plusieurs mégaphones, pour pouvoir écouter la forêt. un mégaphone comme un porte-voix. Mm-hmm. Donc, qui est fait un côté plus petit, un côté plus grand, en bois. Et on peut mettre son, sa tête à l'entrée plus petite et entendre les bruits de la forêt. Ah! Estonie, anciennement appelée Estonie avec un H après le T. Hein? La République d'Estonie. Incroyable. C'est quand même cool comme idée. Oui, très très bien. Et ben, c'est ça, on n'a pas l'extrait sonore malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir entendre le bois, mais bon. Ensuite, continuons avec... Est-ce qu'il y a l'extrait, juste pour être sûr que, de ce que j'avance? Si, tant peu. Et si on se rend jusqu'à la fin de l'article, non. Ça finit sur un climax, pas de fin. Un homme nommé Martin Pistorius s'est réveillé d'un coma après 2 ans. C'est pas Pistorius, le gars qui a tué sa femme, le gars qui a pas de jambe. C'est un nom. Donc, un homme nommé Martin Pistorius qui s'est réveillé d'un coma après 2 ans, mais qui était incapable de montrer un signe de réveil. Mm. Donc, il était pris dans un état à ne pas pouvoir bouger pendant 10 ans encore. Il était au courant de tout ce qui se passait autour de lui pendant ces 10 ans-là. Et il a pu raconter, j'imagine, à sa famille, ses amis, ce qu'il a vécu pendant ces 10 ans-là. Donc, là, on parle de quelqu'un qui se rappelle d'avoir regardé Martin un jour et lui avoir dit « J'espère que tu vas mourir. » Imagine comment t'as entendu ça. Là. Il continuait en disant « Je sais que c'est horrible de dire ça, mais je veux juste que tu sois soulagé. » Mais c'est parce que tu sais jamais dans quel état d'esprit ces gens-là sont. Exact. C'est pour ça qu'on voit tout le temps dans les films, dans, partout, les gens parlent aux gens qui sont en coma. Donc, c'était sa mère. C'est sa mère. Et elle pensait pas que son fils était capable de l'entendre, mais il l'entendait. Il a commencé à se réveiller quand il avait 14 ou 15 ans. Il était au courant de tout, comme une personne normale, mais il pouvait voir et tout comprendre, mais il ne pouvait pas bouger son corps. Martin Pistorius, allez voir sa page sur Wikipédia. Fascinant. C'est fou. Ouais. Un gymnaste japonais, Shun Fujimoto, a déjà cassé son genou aux Olympiques en 1976, mais il l'a pas dit à personne. Hein? Et il a quand même performé malgré sa blessure. Il a gagné la médaille d'or pour son équipe. Quand il a touché le plancher, le mal, la douleur, l'a tranché comme un couteau, dit-il. Mais il a gardé son équilibre. Il a grincé des dents, il a levé ses bras pour faire la fin parfaite, la finition de son truc. Avant de complètement tomber par terre en agonie. Il a reçu un 9,7, le meilleur score qui avait jamais été enregistré aux anneaux. C'était sur les anneaux en gymnastique. En plus. Incroyable. Au moins, c'est ça, une chance que la performance était dans les airs. Il n'y a pas eu trop de choc à son genou pendant l'exercice. Et lorsqu'il a atterri sur le tapis, c'est ça a fait... Comme... t'imagines le mal terrible que ça doit faire. Douleur extrême. Il y a une ville en Australie où la ville au complet de 200 personnes et plus vit sous le sol dans des mines abandonnées. Les résidents, ont l'électricité, la plomberie et trouvent beaucoup d'opale. J'imagine qu'opale, c'est une sorte de bijou, hein, c'est ça? Ouais, c'est des pierres. Ah ouais, un minéral composé de silice hydraté de formule SiO2, NH2O avec des traces du UM. Est-ce que tu as vu combien ça se vend? Ici, tu parles des maisons. Oui. Ça dit donc 3 chambres à coucher pour 85 000 $ avec cuisine, salle à manger, salle de bain. Tu vis dans une grotte. Dans une grotte sous la terre. Paierais-tu 85 000 Pour faire parler les gens, non, sûrement pas. Mais c'est beau par contre. On dirait du stucco. Ouais, c'est parce qu'il y a eu une mode de ça à un moment donné. Puis tu sais, c'est parti. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il n'y ait plus de stucco nulle part. Hein. En effet, j'avoue, hein, il n'y a plus nulle part. Je tiens à dire ça comme ça. C'est pas moi qui irais me chercher une maison entièrement en stucco. Non, hein. Y a une prison au Brésil qui permet à ses prisonniers de pédaler des vélos stationnaires, ce qui fournit de l'électricité à une ville proche. En échange, ils ont des sentences réduites. Et pour ceux qui sont curieux, j'imagine toi, Tania, curieuse jeune femme que tu es, 16 heures de pédalage, ça donne une journée de moins dans la sentence d'un criminel, excuse-moi, d'un prisonnier. Il n'y a pas de maximum, donc tu pourrais vraiment pédaler toute ta vie. Ils ont aussi un programme où les prisonniers peuvent lire un livre pour enlever 4 jours de leur sentence avec un maximum de 48 jours par année. Lire un livre, je ne sais pas si c'est lire un livre à quelqu'un. J'imagine que ça ne doit pas être lire un livre là, pour toi-même. Lui. Ça doit pas être, tu sais, comme, mettons, les plus grands criminels de ce pays-là, là. Ouais, je sais pas. Ben, en fait... Tu sais, vas-y, lis un livre, ça va t'enlever 4 jours de sentence. Ouais, mais 4 jours, ta sentence est à vie, genre, avec aucune possibilité de probation. Tu sais, mettons, fait que tu vas sortir de toute façon à 76 ans, genre. 4 jours, ouais. Tu sais. OK, avec un maximum de 48 par année, bon, c'est pas bien, bien. Tant qu'à faire leur... faire absolument... Tant qu'à faire 33 ans de prison, je pense que faire 31 ans et demi, ça changera pas grand-chose, là. Je sais pas, on pourrait s'en parler longtemps. On pourrait s'en parler longtemps. Je pense que les divergences d'opinion pourraient rentrer en ligne de compte. Non, je pense pas. Je pense qu'on est pas mal du même avis sur les affaires. Mais après. Donc, allez voir l'article sur assemblagerequis.com dans la source. C'est très intéressant, un article de CNN. George Hotz, qui avait 17 ans à l'époque, était le premier à avoir débarré un iPhone de première génération et a vendu ce iPhone-là contre une Nissan 350Z et trois iPhones débarrés. C'est le premier à avoir débarré un iPhone. C'est un petit génie. Vraiment, là? Félicitations. Il y a certains gratte-ciels qui ont de gigantesques... Ça, pour vrai, je ne m'attendais absolument pas à ça. Il y a des gratte-ciels qui ont une gigantesque balle d'acier de 300 à 800 livres à l'intérieur de la bâtisse pour empêcher que les vents donnent le mal du mouvement à ses occupants à la bâtisse. Hein? Donc, à l'intérieur, au milieu... Ouais. De la grosse bâtisse, t'as une boule attachée, OK, évidemment. Évidemment. Et la boule suit le mouvement du vent. Suit le mouvement, en fait, de la bâtisse qui essaie de bouger avec le vent pour pas que la bâtisse bouge. Ben, c'est logique. Donc, c'est comme un contre-balancier. Et on peut voir un gif animé de la boule en train de bouger sur assemblagerequis.com. C'est en cas de désastre naturel ou d'ouragan ou de tempête, de vent, comme ça, pour empêcher la bâtisse de bouger et de donner le mal du mouvement aux gens. Est-ce que tu crois qu'il y avait ce genre de boule-là dans le World Trade Center il y a des années? Très bonne question. Parce que c'était quand même très haut. Ouais. Et tu sais, les théories du complot, là, t'as sûrement vu le film, t'as peut-être vu des extraits de ce film-là qui prouvaient, entre guillemets, que c'était impossible que les avions aient fait tomber cette bâtisse-là parce que c'était renforcé de ci et de ça. Donc, non, ça devait être des explosifs. Ça devait être des explosifs qui ont fait exploser ça systématiquement dans la cave ou je sais pas trop quoi. Pour que ça tombe comme ça. Tu sais, des complots, il y en a partout. Là. Les gens voient des complots partout, surtout aux États-Unis. Donc, j'imagine qu'il ne devait pas avoir cette boule-là parce qu'on aurait probablement entendu parler. Mais je sais pas. Ben, il l'aurait retrouvé. Il l'aurait retrouvé. À moins que ce soit vraiment détruite. Mais la bâtisse avec les boules d'acier, comme je disais, c'était à Taipei, au Japon. Voilà. Ensuite de ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les cartes à jouer Bicycle, tu connais le classique Bessic, les cartes Bessic, les mm-hmm. cartes à jouer. Donc, elles étaient fabriquées à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour que lorsque submergées dans de l'eau, on pouvait les peler pour révéler une carte à l'intérieur. Et lorsqu'on assemblait les cartes, ça faisait une grande carte. Et les paquets de cartes étaient donnés à des prisonniers de guerre. Comme ça, s'ils s'échappaient, ils avaient une carte pour se retrouver, pour retrouver leur chemin. Malade, non? Ah, c'est quand même fou. Oui. Puis encore une fois, voir des photos des cartes en train d'être pelées sur assemblagerequis.com. Les forces armées en Colombie ont fait écrire une chanson pop qui avait à l'intérieur un code morse pour le personnel militaire kidnappé. Ça disait, et je cite, « 19 personnes ont été sauvées et vous êtes les prochains, ne perdez pas espoir. » Parce que leur kidnappeur leur permettait d'écouter la radio. Pour vrai? Ouais. Est-ce que t'as envie d'entendre ça? Ouais. On va aller écouter un résultat. Donc, c'était les conflits armés. Plus de 79 personnes sont toujours kidnappées, nous dit la vidéo. 16 sont des personnels militaires ou des policiers. Certains sont en captivité depuis plus de 12 ans. Ils peuvent seulement entendre et voir ce que le FARC, donc les kidnappeurs, veulent. Donc, les forces armées de la Colombie devaient leur parler directement. Par les seuls moyens possibles... Donc, la radio, dans ce cas-ci, comment, et là, on va bientôt avoir l'extrait, avec une chanson qui allait au-delà de simples paroles. Nous avons écrit une chanson avec un message codé dans le refrain, un message que seulement nous pouvons comprendre en tant que membres des forces armées. Donc, on a changé ça en code morse ici, comme vous entendez le code morse. Et plus tard, on l'a intégré dans une chanson, comme si le code était juste un instrument de musique. Avoue que ça a pas l'air d'être une beat du tout, là. Ouais, c'est ça, hein? Attention, la fille va chanter. Elle a été diffusée pendant plus de deux mois sur 100 stations de radio différentes en Colombie. Les seules personnes qui pouvaient vraiment l'entendre, telles que désiré, étaient les 16 victimes qui ont passé le message aux autres captifs et leur voix s'est fait entendre. Nous ne vous oublions pas. Les forces armées leur ont redonné les dernières années qui leur avaient été enlevées avec de l'espoir. Mais c'est quand même difficile à entendre pendant que le gars chante. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça faut pas qu'il manque le début de la tune. Oui, exact. Et ben, t'sais, si elle joue sur 200 stations de radio différentes, j'imagine que tu vas finir par entendre le bout qui est juste le petit bibi. Ça, là. Vous êtes Assemblage Rocky, on revient après la pause avec d'autres choses. Restez là. Assemblage Rocky est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Rocky, en ce lundi 5 octobre 2015, Tania Baudin là. Avec Mathieu Plante. Oui, à ce moment-ci, habituellement, ce serait la chronique plein air. Oui. Du club plein air à UQTR. Ça va commencer plus tard. On va vous tenir au courant par rapport à la case horaire, mais ça devrait être les lundis à 9h aux deux semaines. C'est bon, ça? C'est très bon, ça. Donc, avant de continuer avec d'autres choses, je pense qu'on va y aller avec des gadgets inutiles tantôt. Je crois. Oui. Mais pour l'instant, on écoute Ratatat avec une pièce du palmarès anglophone. Voici Abrasive 89.1 FM. C'est fou. La station qui vous flatte dans le sens du contre-poil. Dans le contre-sens du poil. Dans le sens qu'on n'est pas rouge FM. Aww. Aww. Aww. Aww. We'll be right back. L'adorable pièce Abrasive par Ratatata, assemblage requis. On a du temps aujourd'hui pour encore plus acheter de choses. C'est pas assez une fois par semaine, là. À un moment donné, j'ai des besoins, moi. Mm-hmm. Je suis dur à rassasier. What? Voici, c'était l'eau, je dis de même. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des choses ridicules à s'acheter sur Internet. On va commencer avec un vêtement qui m'irait très bien aujourd'hui parce que je me sens serré dans mon chandail. Mon chandail, c'est un médium, genre. Puis je me sens trop serré dans un médium. J'aime pas ça. Donc, c'est une espèce de pyjama qui fait le corps au complet. Tu connais les snuggies? Oui. C'est comme une robe de chambre que tu te mets à l'envers puis que les bras sortent par l'avant. Tu peux comme prendre ton popcorn. Oui, je me souviens de ça. C'est un peu la même chose, sauf que là, ça couvre aussi ton visage. Donc, pour aller voter, peut-être, certains vont faire la blague, j'imagine. Ha, ha, ha, tellement drôle. Donc, c'est un habit qu'on porte au complet. Et tout ce que tu vois, c'est ta bouche. OK, mais c'est bien bizarre. Et il y a un zip en arrière pour pouvoir aller aux toilettes, bien sûr. Hein? Ben oui. Tu sais, aller voter, aller aux toilettes. Mais tu vois rien. Ben, tu vois rien. C'est pour pouvoir relaxer, hein. Donc, ça coûte 50$. C'est un onesie qu'on appelle, donc un pyjama, une pièce. Avec un trou pour la bouche et un trou pour l'autre sorte de bouche, en arrière. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Tes yeux sont complètement bloqués de toute vue. Et tu peux aussi tasser, mettons, le trou de la bouche. Tu peux le mettre sur un de tes yeux pour peut-être regarder une vidéo. Donc, tu as quand même l'opportunité de personnaliser ton pyjama comme tu le veux un peu. Ouais, un peu. Et t'es comme un ninja. On s'entend qu'il devrait être noir. T'aurais l'air encore plus de ninja, là. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que la vidéo a quelque chose à regarder dedans, en dessous? C'est pas très, très constructif, non. Je vais t'avouer. C'est un gars qui fait du rap avec son habit. Il tourne en rond, présentement. Ouais. T'es couvert à 360 degrés. Et en plus, c'est du tissu étirable. OK. Quand même, hein. Et le zip en arrière pour aller aux toilettes et ne pas voir ce que tu fais et pas voir comment tu t'essuies, c'est parfait. Mais tu peux défaire aussi le zip pour pouvoir t'enlever la capuche, quand même, là. La cause n'est pas quand complètement perdue pour pouvoir voir. Mais quand tu dors, avoue qu'un pyjama One Piece, que tu peux zipper ta face pour vraiment être complètement dans le noir et quand même pouvoir respirer par le nez et la bouche, on s'entend que tu dois dormir bien en titi. Mm-hmm. Je trouve. Pour 50$, c'est pas si pire. Moi, j'aime ça. Ensuite, tiens, toi, tu t'es déguisé avec ça. Ton chat mérite aussi son propre costume. Quand je dis ton, là, c'est le ton inclus la personne à qui tu destines la phrase. Oui. Dans ce cas-ci, donc c'est mon chat. C'est un chapeau de sorcier. Gonflable pour chat. Évidemment. Rien de moins. Pourquoi pas? Donc, c'est Archie McPhee qui vend ce chapeau pour 6$ américains qui brille dans le noir. Hein? Ton chat a déjà assez honte de même que tu veux en rajouter en le faisant briller dans le noir. Mais le chat a l'air content dans la photo, fait que j'imagine que. Ah, mais il est payé. C'est pas un chat bénévole? Il est payé pour. Ah, ah non, c'est pas un chat bénévole. Bref, lui. Et c'est un chapeau gonflable en plus. Ben oui. Donc, tu peux mettre la bouche sur le chapeau que ton chat a porté. Et on s'entend en plus, là, le chat en couverture en haut de la page, là, c'est un inside, faut connaître mon chat, faut me suivre sur Instagram, mais il ressemble à mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je viens d'aller voir le prochain? Ah, OK. Attends un peu, moi, je suis pas encore rendu là. Oui, ah, t'as pas eu mal au cœur pour ça. Hey, j'ai descendu. Ah. T'as pas vu les photos en bas? Ben oui, mais Tania, c'est faux. Mais c'est dégueulasse. Expliquons un peu. C'est les boubous, une ligne de bandage adhésif, donc des plasters, hein, qui va faire que vos blessures vont avoir l'air encore plus affreuses qu'elles le sont dans la réalité. Donc, c'est 5 designs différents dans l'emballage qui sont supposés imiter un traumatisme de peau. Et hey, le quatrième est dégoûtant. Oui, le quatrième, j'avoue, a l'air d'une balle de fusil qui t'aurait rentré. Non, j'ai dit le quatrième. Ben, c'est le quatrième. Ah, OK, excuse-moi, j'étais sur le cinquième. Oui, le quatrième a l'air d'une gangrène, quelque chose comme ça. Là. Ouais, ça m'écœure, j'ai des frissons partout présentement. L'autre, c'est juste une grande éraflure, disons, qui t'a enlevé des bouts de peau, ou une brûlure. Le troisième, c'est plus une brûlure, je pense. Le deuxième, c'est si t'étais tombé par terre sur des roches, je pense. Mm-hmm. Et le premier, c'est si t'avais eu une plaie qui avait demandé un stitchage, comment on appelle ça? Des points de suture, voilà. Donc, tout ça est inclus. L'infestation avec des petites bestioles à l'intérieur, j'avoue que c'est peut-être un peu beaucoup. Mais ça fait changement du Hello Kitty, hein, quand même. Quand même. Pour un enfant, peut-être, là, mettons. Oui. Peut-être qu'il va pas demander ça comme... Hey, à l'Halloween, mettons, mets un paquet de plasters dans tes bonbons. Ensuite, ah tiens, Tania. Oui. Des dés à jouer, mettons, là, pour un jeu de société. C'est moi ou c'est ben trop d'efforts pour mon bras. Hein? Donc, qu'est-ce tu veux dire? C'est trop d'efforts, brasser les dés. Ok. À chaque. Tu veux à la place des dés qui se brassent tout seul. C'est des boogie dice. Avec comme une mini batterie dedans qui fait que ça bouge. Qui fait que ça bouge tout seul. Donc, c'est des boogie dice avec un moteur à l'intérieur. Et ça va lui permettre de se rouler tout seul. Hein? Ah ouais, moi, je te roulerai tout seul. Donc, boogie dice. T'as sont... vraiment dit ça? Ouais, je sais. Donc, c'est ça. Un petit son qui va être. Dans le fond, ça va être accompagné. Ça va être. Mettons là. Ok, attention. Tu vas faire, mettons. Un snap ou tu vas faire un. Et ouais. Ça va faire que le dé va rouler tout seul. Ah! C'est comme un snap, comme les lumières qui s'éteignent tout seul dans l'infoput dans le temps. Parfait. Ça va rouler pendant 2 à 4 secondes. Les inventeurs du Boogie Dice disent avoir arrangé l'électronique à l'intérieur pour s'assurer que le dé soit toujours équilibré. Ils disent aussi qu'ils ont quelques optimisations à faire encore par rapport à ça. Et les tests, par contre, vont très, très bien. Ça mesure 25 mm carrés. Ça pèse 15 grammes. À l'intérieur, tu as un moteur de vibration, une batterie rechargeable, un tilt sensor pour savoir si le dé est vraiment droit, un microphone et 3 lumières LED. Le microphone, évidemment, pour permettre d'entendre le son. Et là, comme tu peux voir sur la petite vidéo sur assemblagerequis.com, en fait, c'est un gif animé, le gars frappe sa table et les dés commencent à rouler. Ah! C'est magique. Ils sont super beaux. En plus, on dirait comme de l'acier. C'est magique. C'est très, très bien. Tu as une application, évidemment, pour ton téléphone cellulaire qui va avec ça. Tu peux personnaliser la lumière des dés, la durée du roulement, un timer pour les mettre en veille via l'application iOS et Android. Et à part le son, on peut aussi demander aux Boogie Dice de rouler lorsqu'ils sont ramassés dans les mains de quelqu'un. Après un certain temps expiré, ou même juste au hasard, chaque dé peut durer jusqu'à 30 minutes par charge. Ça prend environ 40 minutes à recharger sur un socle qui est inclus, le petit socle. Avec des barres jaunes et noires comme une pancarte de la route. Et les gens derrière Boogie Dice lancent aussi un jeu miniature nommé Bots Battleground qui va aller avec les dés. On peut aussi acheter les dés séparément, voilà. Tout ça pour $22 américains sur Kickstarter pour recevoir un seul dé Boogie Dice et le dock de chargement. Mm-hmm. Ce qui est malheureux, c'est que ça vient avec un seul dé. Et le dock, le socle de chargement, a deux places à dé. Ouais. Et t'as-tu vu que le dé doit être placé sur le chiffre 3? Non. Du dé? Le 3, c'est les petits trous. C'est ce qui charge. Ça match avec le chargement du 3. Ah! C'est bien fait quand même. Oui. Ensuite, un service pour ceux qui dessinent encore aujourd'hui. Toi, Tania, peut-être que t'es revenue à la mode. On a parlé récemment à l'émission de colorier et dessiner. Oui, on en a parlé, c'est vrai. Pour revenir en enfance. Donc, vous pourriez faire transformer vos dessins à vous ou les dessins de vos enfants en animaux de peluche. Eh oui, j'ai déjà vu ça. OK, cool, c'est les Buddies, une compagnie qui amène vos dessins à la vie. Donc, c'est une équipe d'artistes qui vont faire ça à la main. Ils vont faire des peluches à la main en utilisant les dessins de vos enfants comme ligne directrice. Un résultat adorable, unique, 16 pouces de hauteur pour vos jouets. On peut même recréer un sujet à partir d'une photo, donc peut-être la face de votre enfant ou la face, peut-être un toutou qui est en train d'être... un toutou en train de perdre la vie parce qu'il est tout défait. Peut-être qu'on pourrait leur faire recréer le toutou. Donc voilà. Et vous pouvez avoir une petite version donc, de vous-même, de votre personne en toutou. C'est cool, j'aime vraiment l'idée. C'est hot, hein? Très bien. Il y a plein d'exemples sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu aimes jouer au Jenga? Au quoi? Jenga, c'est des blocs qu'on empile et qu'on retire un à la fois sans faire tomber la tour. J'ai jamais joué. Oh, c'est tellement un jeu le fun à jouer, ça. Il y a 4 Jenga maintenant. C'est un Jenga avec des chats. Ah, mon Dieu. On a déjà vu sur Internet des chats jouer au Jenga. Ça arrive sur YouTube. Mais jamais avons-nous joué au Jenga avec des chats. Hein? Donc, c'est un genre de... L'objectif du Jenga, du 4 Jenga, c'est de construire la plus haute tour de chats possible. Malheureusement, il y a seulement 6 chats dans un ensemble. Donc, construire une haute tour, il va falloir peut-être c'est en acheter plusieurs. Trop loin, c'est ça. C'est ça. Donc, ça coûte $15,99 américains pour les 6 chats. Qu'on peut empiler, ils ont tous une queue et la queue peut servir de place où mettre les pattes du chat. Les pattes du chat peuvent servir pour mettre la tête du chat, etc. pour les empiler par-dessus l'autre pour faire la plus haute tour possible. Mais on s'entend que ça va pas durer ben plus que quelques minutes comme partie de plaisir, tout ça. Ah. Tu as peut-être jamais joué au Jenga, mais tu as certainement joué au Lego. Ouais. Les Lego, c'est cool. Hein? Oui. Mais maintenant, on peut avoir des tablettes murales en forme de briques Lego. Vrai? C'est Arnon Rosen qui imagine les possibilités de gigantesques briques Lego. Il a fondé Everblock, un système modulaire de morceaux de plastique qui s'empilent les uns par-dessus les autres. C'est des blocs de polypropylène qui peuvent être assemblés en pratiquement n'importe quoi, que ce soit des tables, des divans. Donc, Everblock qui vient en 14 couleurs présentement, 3 grandeurs, donc complète, ça c'est 12 pouces, la moitié qui est 6 pouces, et le quart qui est 3 pouces, et des capuchons qui vont sur le dessus. Donc, c'est supposé être mis au-dessus du meuble, peut-être comme pour une table, mettons, pour pouvoir mettre des affaires dessus. Donc, le site offre un outil de construction pour assister dans vos designs. Aussi, il y a une bibliothèque d'instructions pour monter les designs plus populaires. Vous allez pouvoir construire peut-être un fort dans votre salon avec des blocs Lego. Il y a des exemples d'Everblock, de création Everblock. Ouais, je dois avouer que le bar est quand même cool. Oui, très, très cool. La table avec une table de vitre dessus, avec une plaque de vitre. C'est vraiment super beau. Allez voir les images sur le site. Ensuite, tiens, t'es gourmande, Tania? On est gourmand. Faut que tu répondes oui à toutes les questions. Je t'ai déjà dit qu'il fallait que tu répondes oui. Je vais te dire oui. Oui, t'es gourmand. Donc, t'as besoin d'avoir sur toi, sur ta personne, toujours une pointe de pizza. Hey, c'est pas la première fois que j'ai vu ça. Arrête donc! Comment ça, donc? Ah, c'est sûrement parce que je mentionne comme 100 gadgets par chronique. Il y en a au moins un ou deux que tu vas avoir vu passer quelque part. Ouais. C'est sûrement ça. Donc, OK, c'est un produit stupide, on s'entend. C'est vendu par un magasin qui s'appelle Stupid Idiotic. Okay? Ouais. Mais quand même, il y a toujours une petite bonne idée derrière chaque produit. Et la pizza pouch, c'est une poche de plastique dans laquelle on peut mettre une seule unique pointe de pizza. C'est scellé par Ziploc, un vrai seau Ziploc dessus. Donc, pour pas que le jus de la pâte de tomate sorte de votre merveilleuse pointe de pizza. Et ça va garder votre pizza au frais, évidemment, s'il fait les températures appropriées, parce que dehors, elle était pas convaincue. Vous allez porter votre pointe de pizza toujours toute la journée. Moi, je pense que ça durera pas jusqu'à 10h15, si j'avais ça le matin, on s'entend. Ça coûte 8$ pour cette portable pizza pouch de Stupid Idiotic. Stupid Idiotic. Elle a l'air bonne, cette pizza, par contre, le gars. Ouais. Ça, je te l'accorde. On dirait Jim Corcoran avec son... C'est vrai. Avec son pinch puis son bandeau sur la tête. Allez voir les photos. Ensuite, Noonware. Noonware, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous pensez. C'est un autre nom de produit qui sonne similaire à Noonware. C'est c'est une start-up qui travaille sur une paire de lunettes de soleil. C'est cool, hein, les photos? Les photos sont très, très cool. C'est fait pour enlever le reflet de la lumière du soleil sur votre téléphone cellulaire ou votre portable. Donc, à la place de coller un collant ou un plastique sur votre téléphone ou votre portable, c'est les lunettes elles-mêmes. D'accord? Donc, les One, ça s'appelle One. Ouais. Noonware One Sunglasses, qui fonctionnent mieux avec les téléphones intelligents. Alors que l'autre paire fonctionne mieux avec les laptops. On demande $50 américains sur Kickstarter pour recevoir une paire de lunettes compatibles avec les laptops. Et $65 pour le modèle de téléphone cellulaire, ce qui me surprend parce que l'écran est plus grand sur le portable, puis ça coûte moins cher, mais bon. Donc, on peut acheter une version avec prescription même de ces lunettes-là sur noonware.com, noonware.com pour $300 la version avec... OK. Avec la prescription dedans. Tiens, tantôt, tu voulais transporter une pizza avec toi en tout temps. Je comprends, t'as des besoins. Bon, c'est correct, là, je te juge pas trop. Mais peut-être que tu dois porter une clé sur toi pour revenir chez tes parents le soir. Peut-être que tes parents sont ben, Tania, je vais te manger ta pizza autour de ton cou. Tania, est-ce que tu vas revenir souper? Tania, est-ce que tu reviens avant 10h? Et là, tu veux rentrer chez toi après que tes parents soient couchés et tu as besoin d'une clé après ton poignet. Oui. Hein? Donc, c'est les Pocket Bands 2.0. C'est un bracelet avec une poche cachée pour mettre une clé dedans. Oh. Plus besoin de mettre la clé autour de ton cou, parce que là, on s'entend que tu as besoin de la place pour la pizza. Oui, oui, c'est sûr. Donc, Pocket Bands, un design très, très mince, une façon stylisée, disent-ils. Moi, je trouve vraiment pas ça stylisé. Ouais, non, moi non plus. Pour mettre de ta clé, de l'argent, d'autres petits articles, des menthes peut-être, pour un rendez-vous galant. Donc, qui deviendra un rendez-vous pas galant une fois qu'elle va voir que tu as un bracelet de plastique autour de ton poignet. Donc, les bracelets sont faits de silicone chirurgical à 100%. Confortable à porter même lorsque vous vous entraînez. Assez gros pour mettre un Fitbit One ou un Fitbit Flex, c'est le petit gadget qui compte vos pas, etc. etc. C'est pas seulement fait pour courir, c'est parfait pour tous ceux qui sont actifs, qui aiment le surf, le vélo, le skateboard, la nage, peu importe. Ça vient en 4 grandeurs, une variété de couleurs. Ils disent de couleurs cool, encore une fois, permettez-moi d'en douter. Ouais. On peut donner 10$ sur attention, ça dit pas sur quoi. C'était-tu sur Kickstarter tantôt? Je sais pas. Oui, c'est Kickstarter. Donc, 10$ pour un pocket band et un paquet de 3. pour vos trois poignets pour 20$ pour les mutants. Pour les mutants. Ou ceux qui veulent transporter des manques sur un poignet, un Fitbit sur l'autre, puis une clé sur le mollet. T'sais. Ah, ouais, voilà. C'est cette option-là aussi. Vous prendrez le modèle extra large américain. Pour les poignets américains. Tu sais, ouais. Ils disent qu'on peut mettre de l'argent, sauf que, tu sais, c'est fait aux États-Unis, donc évidemment, tout argent est fait en papier. Ouais. Beaucoup plus facile, ouais. Premièrement. Deuxièmement, t'as pas de place pour t'amener un paquet de vin, là. Non. Amène-toi un billet de 100 à la place. Ça a pas l'air d'être fait pour les gens qui transportent souvent des billets de vin tout le temps. Je suis d'accord. C'est vraiment cheap. Tu sors pas juste avec ton. Non. Ton pocket ben. Dans Windows, dans le temps, tu peux l'avoir gratuitement. Maintenant, il faut que tu payes pour ça. Mais, faut que tu payes pour ça. Solitaire. T'es sérieux? Sur Windows 10, il faut que tu payes pour avoir de pubs. Sinon, t'as plein de pubs dans ton solitaire. C'est vrai. Bref, maintenant, c'est un paquet de cartes d'apparence solitaire dans Windows. Les anciens Windows, dans le temps, c'était pas 3D puis les cartes n'étaient pas bien dessinées. C'était super pixelisé. Donc, c'est Susan Kerr. Est-ce que tu connais le nom de Susan Kerr? Ça dit quoi? Dans ce cas-ci, tu devrais. En fait, c'est la designer qui a créé les icônes d'origine pour le Apple Macintosh. OK. Et un paquet d'icônes pour plein de choses dans la vie. Des choses par pixel. C'est une artiste designer du pixel. Ce qu'elle fait est toujours extrêmement malade. Donc, elle a utilisé la compagnie. Non. On lui a demandé. C'est sujet, verbe, complément. Ouais, c'est ça. Bref. Elle s'est assemblée avec AreaWare pour créer un vrai paquet de cartes avec ses dessins dessus de Windows 3.0. La version Windows 3.0 de Solitaire. OK. Donc, présentement, ils sont tout vendus, ces paquets de cartes, mais on espère restocker ça pour pouvoir en commander un. Mais c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment très, très, très cool. Allez voir sur assemblagewiki.com pour les cartes Windows 3.0 de Solitaire. Tu tripes sur la lune, Tania, hein? Ben oui. La lune de sang, la lune sanglante, Blood Red Moon récemment qu'on a eue. Maintenant, c'est le Moon Glass. C'est une tasse qui est faite pour te montrer les différentes phases de la lune alors que tu bois ton café ou ton latte à l'intérieur. Lorsque la tasse est remplie jusqu'au bord, tu vois la pleine lune. Et quand tu bois, tu regardes la lune descendre jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Hmm. C'est vraiment bien, hein? C'est bien, mais tu sais. Mais tu sais. C'est ça. T'en veux plus que ça, toi? C'est pas assez pour toi, ça? Ben, je trouve ça inutile. Oh, mais hey! La chronique s'appelle « Ça existe », entre parenthèses, mais ça ne devrait pas, on l'a. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont utiles puis qui sont cool. C'est vrai, ça. Ça, je vois même pas où est la... Mais c'est pas mon préféré quand ça... La coolitude. Quand c'est utile. La coolitude, comme la coolitude. Le café qui coule dans c'est tes veines. C'est ça, t'as compris. Un tapis de yoga, tiens. Tantôt, on a parlé de dés, que c'était donc plate de se shaker le poignet pour... ouais. Pour pouvoir brasser ses dés, comme on appelle. Hein? Ouais. Tout le monde fait ça, se brasser les dés. On joue au yum. Oui, on joue au yum. Sauf qu'on avait ça, yum, je me brasse le dé, yum. Donc, c'est un tapis de yoga qui se brasse lui-même. Mais pourquoi est-ce que t'aurais besoin d'un... OK, vas-y, continue. Tania, rabat-joie. Je ne pose plus de questions. Tu veux faire du yoga, tu veux avoir les avantages du yoga, mais il y a un problème, c'est que t'as pas envie de rouler ton tapis de yoga. Tu sais, se rouler le tapis de yoga, comme on dit. OK, il se roule lui-même, mettons. Il se roule lui-même, mettons. C'est tout. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Ça s'appelle le yo-yo mat. C'est un jeu de mots avec yo-yo ma. Là. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il faisait yo-yo ma. C'était un célèbre... C'était un célèbre violoniste. Violoniste. Né en France, de Paris chinois. Blablabla, yo-yo ma. Violoncelliste. Mais il a pas été dans America's Next Top Model, lui. Il y a comme un gars... Hey, sérieusement. T'as-tu parti le vidéoclip? Raciste! Non! Aucunement. Ce que je veux dire, c'est qu'il était juge à America's Next Top Model. Ça se peut. Tu t'en es bien sorti, Tantan. Merci. Tu t'en es très bien sorti. Donc, le yo-yo mat, c'est ça a une paire de bandes de métal au bout du tapis pour le garder bien droit lorsqu'il est complètement déroulé. Et lorsqu'on le tourne de bord, le vire de bord, tout ça va se rouler tout seul, comme les bracelets. Tu sais, les bracelets snap sur le poignet? C'est comme un gros slap bracelet. Ça fait sa magie tout en restant confortable. Ça a 5,5 mm d'épais. C'est fait d'une construction closed cell foam. Là, c'est super scientifique, tout ça, qui empêche bactéries, moisissures et odeurs. Il va rester roulé sans aucune strap, sans aucun élastique, sans rien. Et ça va se dérouler juste en le lançant par terre. Et en plus, ça coûte seulement 79$ américains. C'est moins cher que les tapis de yoga chez Lululemon. Ouais. Là-bas, tout coûte cher. C'est ça. Donc, c'est sur Kickstarter en ce moment. Et c'est tout pour Ça existe, mais ça ne devrait pas là! Hey, jeudi passé, on n'a pas eu le temps de faire notre chronique spéciale spotted UQTR. Hey, c'est vrai! Il me reste une minute, me laisses-tu le faire? Ah, parce ben qu'il n'y a pas beaucoup de posts. En fait, il y a un spotted directement relié aux hommes de l'UQTR. Donc, spotted aux hommes qui sont pas capables d'aborder une fille à l'université pour venir après la spotter sur le net. Ah. Entre parenthèses, les nouveaux héros de notre époque sans couilles. Alors, salutations aux gars qui postent plein de choses sur spotted UQTR. C'est vrai. Il y a aussi un spotted UQTR directement dirigé vers la mascotte des activités physiques, la mascotte des Caps. C'est le pirate. Celui qui devrait s'appeler Pat. Mais je pense que c'est ça qu'il est comme ça, ils l'ont appelé. J'espère. Hein. En tout cas, le spotted qui. C'est une photo lors du match d'hockey de la semaine dernière, mercredi passé, pendant que les Patriots jouaient contre le Blizzard de Trois-Rivières. Et c'est marqué. C'est pas le Febreze de Trois-Rivières? Non, c'est le Blizzard. Et c'est marqué spotted à la mascotte qui drague au lieu de regarder le si à côté d'une gang de filles. Qui drague comme dans les flirts? Donc, oui, exactement. Wow. Donc, je soupçonne que la personne à l'intérieur de la mascotte est un gars. Ou, ah, ça, gars, tu peux pas savoir. Ah non, ça, je suis. C'est pas parce d'accord. que ça flirte avec des filles. Hein? Que, ouais. Bon. Homophobe en plus d'être raciste. Non, 0-0-0. T'es supposé dire oui à chaque affaire que je dis. Ah, c'est vrai. Je te crée un personnage. Je suis désolé. Mais non, hey, merci pour le spotted et on va faire ça une fois de temps en temps quand il y en aura assez pour en faire une chronique. C'est bon, ça? Il y en a un qui dit « Bonjour, je suis à la recherche de partenaires féminines pour aller faire du patinage libre et qui sait devenir peut-être ami. Like ou commente si ça te dit de te dégourdir les jambes une à deux fois semaine. Oh. » Et un gars qui répond... Tu veux te dégourdir les jambes, ma chère? T'es un expert en patinage libre, deux fois médaillé aux Jeux du Québec! Oh, wow! Ah! Alors, si jamais ça vous tente de vous dégourdir les jambes... C'est ça. Et de gagner un point. D'aller faire du patinage libre, allez sur Spotted UQTR, il y a des offres pour vous. Ah! Tiens, hey, c'est pas magnifique, ça? On va se quitter avec une chanson de Philémon Simon qui s'appelle « Toi, jeune fille ». Parce oui. que je trouve que ça fit avec ce qu'on vient de dire dans le Spotted. Mais nous, malheureusement, c'est là-dessus que se termine Assemblage Requis pour cette journée du lundi 5 octobre 2015. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Aujourd'hui, on n'a personne à remercier. Mais non. Absolument personne, mais demain... Je te remercie, Mathieu Plante. Je te remercie aussi, Tania Baudin. Demain à l'émission, on aura à 8h30 la chronique du Zone Campus. On va rencontrer enfin nos nouveaux rédacteurs en chef. On doit dire la nouvelle équipe de rédaction. La rédactrice en chef et l'adjoint à la rédactrice en chef. Donc, c'est demain à 8h30. Et à 9h, c'est Gabriel Bioud qu'on va accueillir pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. Donc, c'est demain entre 6h30 et 9h30. Restez donc à l'écoute. À 11h, c'est Dîner de con avec Denis Janvier. À 13h, la rediffusion de Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, le voyage insolite. Et à 20h, Rock de Neurones. Donc, on reste en rock pas mal toute la journée. À partir de 13h, ça s'enfile une après l'autre. CF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Tout est là, tout ce qu'on a mentionné. Il y a la page Facebook aussi pour certains détails, entre autres la collègue de Tania qui est plus sur Facebook. Oui. Donc allez voir facebook.com/assemblagerequis. On est sur Twitter, on est sur Instagram, MySpace, Friendster, on est sur SoundCloud, on est sur Infinity and Beyond, on est sur Tapis Roulant, le nouveau réseau social québécois. On est sur ton petit plouc. Ton petit plouc.com. Ouais, c'est ça. Okay. Le site de recettes, 4 fois par soir. Oui. On est là-dessus. Puis, bonne journée, Sam. Bonne journée, Mathieu Plante. Bonne journée à tous. Toi, jeune fille aux cheveux de sang. Toi, jeune fille asexuée. Toi qui ne sais pas me regarder dans les yeux. Jeune fille qui aime le lève comme des fleurs.